Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, épisode 2, votre podcast national catholique mensuel. Alors aujourd'hui, on va faire l'épisode 2, bien sûr, comme prévu, puisque on vous a dit dans la précédente émission que si jamais le succès était au rendez-vous, eh ben, on continuerait tous les mois, donc nous voici. J'en profite pour faire un remerciement à tous les gens qui ont joué le jeu, tout simplement, qui ont partagé sur leur blog, sur leur site, sur leurs réseaux sociaux. On avait ça sur Telegram, on avait ça sur YouTube, on avait ça bien sûr sur Gab, notre base arrière, même sur TikTok d'ailleurs. Il y avait même un petit extrait de TikTok qui nous a été envoyé, qui m'a fait beaucoup rire, pourquoi pas. Partout où vous pouvez, n'hésitez pas à partager l'émission si ça vous plaît. Sur Telegram, la personne qui nous partage utilise le hashtag, plutôt le arrobase, Oremus officiel. Et on est aussi présent sur Odyssée et sur archive.org. Avant de commencer l'émission, je voudrais bien sûr partager trois bonnes nouvelles avec vous. La première bonne nouvelle, c'est bien sûr l'introduction que vous venez d'entendre. Merci à notre camarade T pour la composition et le montage de l'intro sonore. Deuxième bonne nouvelle, c'est, vous allez vous en rendre compte, au niveau de la qualité des incrustations sonores, on va monter un petit peu en compétence, comme dirait Jean Robin. Et troisième bonne nouvelle, écoutez, je vais l'annoncer maintenant, nous avons un nouveau participant. Bonjour Rex. Rex, comment ça va? Écoute, très bien Bobby, merci de m'accueillir ici. Et écoute, après une petite prière à Saint-Joseph et un clin d'œil à Tonton dans le ciel, eh bien, me voilà ici, au milieu de vous. Alors Rex, c'est par rapport à la série policière, bien sûr, hein, pas du tout. Évidemment, c'est par rapport à des choses qui ne sont pas du tout sulfureuses. D'accord, très bien, très bien. Notre faiseur de vannes en chef est aussi présent. Dédé, comment ça va? Ave à tous, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Bah, écoute, ça va bien, merci. Content de pouvoir faire ce second podcast avec vous, les copains. Et enfin, officier sur le pont, à vos rangs fixes, le capitaine ad hoc est parmi nous. Mon capitaine, comment ça va? Ça va très bien, bonjour messieurs. Merci aux auditeurs pour leur accueil et pour leur écoute. Je vais simplement redire que voilà, c'est l'émission numéro 2, on va compter encore énormément sur vous. Vous avez été nombreux à nous suivre sur Gab et on vous remercie, c'est vraiment super. Il faut continuer encore à partager sur Gab partout où vous pouvez, Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, ce que vous voulez. Pigeon voyageur, on accepte aussi, on compte énormément sur vous. Et on va commencer par un petit sujet sympathique. Je vais parler de l'Église d'Angleterre. Alors, je vais vous lire le pitch très vite fait. L'Église d'Angleterre à son premier prêtre non-binaire. Déjà avec le titre, attention. Bingo Allison, 36 ans, qui se définit comme homosexuel et veut qu'on utilise désormais le pronom « yel ». D'accord, pour un prêtre. Donc, hein. Je cite, « C'était difficile pour ma femme. Elle a épousé ce qu'elle pensait être un hétéro. Comme le premier prêtre non-binaire de Grande-Bretagne s'est révélé à son épouse et à ses trois enfants après avoir eu une révélation » en lisant l'histoire de Adam et Ève. Donc c'est bien sûr un blasphème énorme. Le vicaire, qui travaille à Liverpool, a déclaré qu'il avait accepté son identité de genre en lisant l'histoire et s'était rendu compte, je cite, « Il y a de la place dans la création de Dieu pour le changement et la transformation. Ce n'est pas parce que vous êtes créé d'une manière que vous ne pouvez pas en vivre autrement. » Voilà. Voilà ce qu'il y a à dire de la part de l'Église d'Angleterre, qui fait très peu parler d'elle, sauf si c'est pour nous mettre finalement quelques petits des travaux, tout simplement, des travaux transgenres, non-binaires, non-trinaires, on ne sait même plus d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Écoutez, je vais intervenir en premier, alors. On va dire, ça ne serait pas très grave si ça n'était pas répandu, promu et que ça prenait de plus en plus de place, puisque maintenant, on peut tomber dans les jeunes à l'université, 21, 22, 23 ans, etc. Sur 20, 30 personnes, vous avez un cas au moins de non-binaire, etc. Dans certaines classes, c'est pire. Je le sais de sources sûres, d'étudiants que j'ai pu croiser ou des choses comme ça. Hein. Donc voilà, c'est d'un côté très drôle et de l'autre gravissime. Ça s'explique d'une certaine façon par voilà, tout ce qu'on a subi de libéralisme, des décennies et des décennies, ou voilà, même plus précisément, c'est subjectif, c'est-à-dire le sujet se définit de son propre cerveau, de son propre chef, en dehors de toute réalité extérieure, qui sont évidemment non choisies, parce qu'on est avec un sexe biologique, des chromosomes qui sont X, Y ou non, etc. Donc voilà, il y a des choses qui sont fixées, mais eux, ils font fi de tout ça. Donc c'est toute la dialectique LGBT qui fausse le jugement. En plus, il faut jamais juger aussi, ça va avec le principe de non-discrimination qui est un crime, puisque tout cerveau distingue les choses pour mieux les comprendre. Et en plus, même quand on dit ne pas juger, on juge, puisque quand on a un raisonnement, soit on juge favorablement une chose, soit on la juge défavorablement. Donc c'est une immense bêtise possible, ça n'est pas au possible. Ça n'est pas étonnant que ça nous vienne des anglicans, des protestants, etc., qui avaient déjà commencé à mettre le boxon sur des principes théologiques, moraux et même philosophiques. Mais là, on est un peu au bout de l'abjection. C'est sûr que Luther, en son temps, n'aurait pas osé. La Renaissance, qui était quand même encore pieuse, tenue par des cardinaux, etc., bon, on n'aurait jamais osé aller dans des trucs pareils. D'ailleurs, j'en veux pour cause, par exemple, l'humanisme, qui était un beau principe de haute éducation très discriminatoire à ce niveau-là, on va dire. Alors que maintenant, l'humanisme se réduit à ouvrir la porte à Mamadou par millions, milliards, et s'il y en avait plus que des milliards, il fallait aussi, voilà, milliards, etc. Donc voilà ce que j'aurais à dire. C'est très drôle parce qu'il dit que c'est grâce à Adam et Ève et son histoire qu'il s'est dit, bah, on est créé comme ça, mais en fait, après, on choisit, non, mais c'est du n'importe quoi. Ouais. Il a mis, c'est pas lui qui a mis la Bible en PLS, mais c'est plutôt la Bible qui le met en PLS. Et là, on a un petit peu l'impression d'arriver à limite Vatican III, Vatican IV. Voilà, on passe au 4 sans passer par le 3. Il y a une accélération possible. Et voilà, c'est pas si étonnant que ça nous vienne un petit peu des anglicans, quoi, qui viennent introduire le sujet. Mais Bergoglio, bien que, voilà, il l'a peut-être pas encore fait aussi publiquement, mais on sent bien que ça finira par arriver. Plus largement dans d'autres sphères. Dédé, tu voulais rajouter quelque chose, je crois ? Je pense même qu'on peut s'estimer heureux que ce prêtre se définit uniquement en tant que non-binaire, puisque l'étape d'après, ça serait voilà, de se définir en tant qu'hélicoptère de combat, en tant qu'objet ou en tant que canard, je ne sais pas. Donc c'est là juste la première étape, effectivement, une espèce de Vatican III ou Vatican IV. Mais bon, qu'est-ce que c'est que cette église anglicane en réalité ? Donc bon, les anglicans, c'est une forme du protestantisme. Donc on peut tout simplement résumer à qu'est-ce que le protestantisme. On peut le résumer, c'est une question qui est quand même super compliquée, parce que pour le définir, on ne sait pas trop par quelle boule prendre, s'il est différent à Paris, à Londres, à Genève, à Berlin, enfin je ne sais pas, à Berne ou à New York, le protestantisme est toujours différent. Et au sein même de ces villes, dans chaque temple, dans chaque quartier, il va être différent. D'où l'adage commun qu'on dit souvent, qu'il y a autant de protestantisme qu'il y a de protestants. Mais en fait, ce qu'il enseigne, ce qu'il dit, ce qu'il croit, c'est diamétralement opposé à ce qu'il va dire, croire ou enseigner ailleurs. Et pourtant, c'est toujours du protestantisme. Du coup, est-ce que le protestantisme, c'est une religion ? Non, on l'a vu, parce que voilà, la religion, ça veut dire être relié à Dieu, donc il n'y a que la religion catholique. Donc le protestantisme, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des sectes, en réalité. Est-ce que du coup, c'est une église ? Ou même une agglomération d'églises, comme ils peuvent le faire croire. Au final, on se rend compte que ce sont plutôt juste des individus. Est-ce que c'est une institution ? Eh bien non, c'est fondamentalement une révolte. Et surtout, est-ce que c'est un enseignement ? Moi, je pense plutôt que c'est une négation. Le but, d'ailleurs, du protestantisme, comme son nom l'indique, c'est de protester. Et son œuvre se borne là. Son nom même est purement négatif. C'est un peu comme les antifas, enfin, les antifascistes, par exemple. Ils sont anti-nous. On est leur raison de vivre. Donc le protestantisme, c'est la renonciation à l'antique foi chrétienne. En gros, le protestant, quoi. Moins il va croire, donc à l'enseignement infaillible de l'Église catholique, plus il sera opposé, plus il protestera et plus il sera ainsi lui-même. N'étant qu'une négation, le protestantisme, du coup, il se prive de tous les secours de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude concernant la foi. Il n'y a pas de culte complet, vu que chaque secte a son propre culte. J'ose même pas utiliser d'ailleurs le terme de culte. Ils n'ont pas les sacrements, notamment voilà, le sacrement de pénitence et d'eucharistie. Ils n'ont pas l'amour d'assurer. Je crois que certains les ont, en fait, ça dépend. Tu vas dire justement alors, que, vu que ça change d'une chapelle à une autre, c'est vrai qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Certains ont une partie des sacrements, entre guillemets, enfin, ils font de l'imitation. Hein. Certaines sectes ont quasiment tous les sacrements, il y a beaucoup de guillemets à mettre, hein, dans ce que je viens de dire. Et certains, c'est à l'arrache, c'est McDonald's, hein, c'est venez comme vous êtes. Mais en fait, ils imitent des sacrements, parce qu'ils ne les ont pas vraiment, bien sûr. Donc, ils vont imiter des restes de sacrements. Mais du coup, donc on a vu un peu qu'est-ce qu'un protestant. Alors, ce qui est intéressant, c'est le pasteur Coquerel qui décrit, selon ses propres termes, qu'est-ce qu'un excellent protestant. Donc là, ce n'est pas juste un protestant de base, c'est le meilleur. Alors, je cite. « Dogmatiquement, il croyait peu de choses. Quant au vrai, il ne savait guère le chercher dans le dogme, ni même dans l'évangile. Il croyait que les vérités sont en germe dans les livres saints, mais il les croyait mêlées à toutes les erreurs. » Et s'imaginer qu'à l'aide de ces livres, on peut tout soutenir et tout prouver également. Il croyait peu à la prière. Il détestait vivement le catholicisme. Fin de citation. Bon, en gros, hein, pour être un bon protestant, il faut être à l'opposé total des saints de l'Église, des héros de la catholicité, c'est-à-dire croyez ce que vous voulez en matière de religion, donc le fameux libre examen, la liberté de penser hein, et tout ça. Ne croyez en rien, même si cela vous convient mieux. Voilà. Lisez ou n'isez pas la Bible, en fait, on s'en fout. Allez ou n'allez pas au temple. Et surtout, il y a une chose qui est commun à tous les protestants, c'est détester l'Église catholique. Et des gens qui détestent l'Église catholique, malheureusement, on en a à l'appel, quoi. C'est ainsi, je ne sais pas, par exemple, l'écrivain Eugène Sue, un député radical sous Napoléon, qui disait très justement que protestantiser l'Europe était le plus sûr moyen de la déchristianiser. Bon, voilà, on voit un peu la haine qu'ont ces gens envers nous, quoi. Alors, il y a certains qui peuvent penser que protestant ou catholique, voilà, c'est à peu près pareil. C'est qu'une énième guéguerre de chapelle. Bon, ça, je vous arrête tout de suite, les gars, c'est absolument faux. D'ailleurs, même pour nous, en tant que catholiques, on essaie de l'être au maximum avec les grâces que le bon Dieu nous donne. Pour nous, c'est une insulte, en fait, de penser que catholiques et protestants, c'est pareil. Parce que là où l'Église affirme, les protestants nient. Là où l'Église enseigne, les protestants se révoltent. Par exemple, dans l'Église catholique, il y a l'unité la plus complète, la plus fondamentale, d'enseignement et de croyance, de culte et de religion. Donc tout ça, hein, bien sûr, c'est avant le conciliabule Vatican II qui a tout foutu par terre, mais moi je parle de la vraie Église catholique. Chez les protestants, chacun croit comme il vit, et il vit comme il croit. C'est l'anarchie religieuse. C'est l'opposé même de l'unité. En fait, ils sont unis, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un seul point, c'est la haine du catholicisme. Le catholique a pour règle de sa foi l'enseignement net, infaillible de l'Église, alors que le protestant rejette l'Église, méprise son autorité et ne connaît que la Bible, qu'il interprète d'ailleurs comme il veut et comme il peut. Le catholique vénère dans le pape le vicaire de Jésus-Christ, le chef des fidèles, le pasteur suprême, le docteur infaillible de la loi. Le protestant ne voit en lui que l'antéchrist, le vicaire de Satan et l'ennemi principal de l'évangile. Le catholique adore dans l'Eucharistie notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui est réellement présent. Le protestant n'y voit lui qu'un symbole vide, un fragment de pain. Le catholique vénère, invoque, aime la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Le protestant a pour elle un éloignement invincible qui va souvent jusqu'au mépris, jusqu'à la haine. Et on avait parlé à la dernière émission un peu de la haine du juif talmudique pour la Sainte Vierge Marie. Bon, là, on est quasiment au même degré, quoi. Je ne vous ai pas encore donné mes sources. Alors, je me suis basé, donc, toujours pareil, sur le dictionnaire théologie catholique et catéchisme du Concile de Trente, que je vous recommande, et après sur trois livres, plus en particulier sur le protestantisme. Donc, « Causerie sur le protestantisme » de Monseigneur de Ségur, « Le protestantisme assassin » de Michel Defaille et « La réforme liturgique anglicane » de Michael Davis. Voilà, donc ça, c'est les trois ouvrages en particulier que je me suis basé hein, pour un peu faire mon speech. Je vous les recommande hein, si vous voulez vous intéresser au sujet. Il y a aussi « Connaissances élémentaires de la franc-maçonnerie » qui est vraiment pas mal. Donc le catholique puise la vie chrétienne dans les sept sacrements de l'Église et l'entretient principalement par la réception des sacrements donc, de pénitence, donc en gros c'est le fait d'aller se confesser, et d'Eucharistie, c'est la communion, donc recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que les protestants, du coup, ils ne reconnaissent pas ces sacrements de manière partielle. En fait, c'est à peine s'il y a quelques sectes, donc parmi les milliers de sectes qui existent, qui conservent encore la vraie notion du baptême. Voilà, qui est quand même le premier sacrement, quoi. Et ça, ça va ainsi pour tous les dogmes de l'Église catholique. Donc, des pasteurs vont même jusqu'à nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils nient le mystère de la Sainte Trinité, le péché originel, et détruisent ainsi le christianisme, hein, le catholicisme, en fait, hein, parce qu'il n'y a que les catholiques qui sont chrétiens. Ils détruisent le christianisme par sa base. Donc là, vous vous dites peut-être, ouais, le mec, il abuse des milliers de sectes protestantes, c'est pas possible, blablabla. Alors, attendez, je vais vous lire un petit extrait de toutes les sectes protestantes qui existent juste dans l'État de New York. On va essayer de faire ça assez rapidement parce que c'est long. Alors, attendez, je prends mon petit bouquin. C'est parti. Alors, on a les anabaptistes, les baptistes, les nouveaux baptistes, les baptistes libres, les baptistes séparés, les baptistes rigoureux, les baptistes libéraux, les baptistes paisibles, les baptistes petits-enfants, les baptistes gloire, alléluia, baptistes chrétiens, baptistes au bras de fer, baptistes généraux, baptistes particuliers, baptistes du septième jour, baptistes écossais, baptistes de la nouvelle communion générale, baptistes nègres, indépendants ou puritains, caméroniens, crispistes ou frisés, cambélites ou réformés, dunkers, libre-penseurs, on les retrouve les libre-penseurs, aldanites, Irvingien, Higanite, Sauteur, Chrétien biblique, Glacite, Sondomonien, Ancien presbytérien, Nouveau presbytérien, Écossais, Congrégationniste, Carker ou Ami, Unitérien, Socinien, Morave ou Frère de l'Unité, Méthodiste ou Wesleyenne, bref, etc., etc. Donc ça, c'est juste dans le seul état de New York, il y a plus de 150 sectes protestantes. Sachant que ces 150 sectes protestantes, tous les 5 ans, 10 ans, vont elles-mêmes se réformer, si j'ose dire. Le terme réforme ne correspond pas du tout à la réalité du protestantisme, c'est plutôt une révolution pour détruire que pour réformer, parce que les réformes apportent généralement du bon. Et en gros, ces sectes, comme elles se divisent tous les 5-10 ans, bah, il y en a une de plus, et etc. etc. Bon, on peut rajouter les baptistes transsexuels maintenant, je pense. Ouais, la nouvelle secte des transsexuels LGBT, ouais. Et du coup, alors une petite anecdote qui est assez intéressante sur le sujet. Le fondateur du protestantisme, voilà, on sait tous que c'est le détestable Martin Luther. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un de ses disciples, qui est le plus connu, s'appelle Mélenchon, ou Mélenchon, enfin peut-être un ancêtre de Jean-Luc. Donc en gros, ce bâtard, il avait poussé sa mère à apostasier la foi catholique, donc pour croire dans l'hérésie luthérienne. Et donc cette maman, donc la maman de Mélenchon, là, le disciple de Luther, est sur le point de mourir, elle est sur son lit de mort. Donc elle fait appeler son fils et elle interroge. Mon fils, c'est par votre conseil que j'ai abandonné l'Église catholique pour embrasser la nouvelle religion, bref, le protestantisme. Je vais paraître devant Dieu et je vous adjure par le Dieu vivant de me dire, sans me rien cacher, dans quelle foi je dois mourir. Donc son fils, là, il baisse un peu la tête, il garde le silence. Et on sent qu'en lui, il y a son amour pour sa mère, il se bat un petit peu avec l'orgueil de la secte, quoi. Et du coup, le mec, il fait une réponse magistrale qui est « Ma mère, répondit-il, la doctrine protestante est plus facile, la doctrine catholique est plus sûre. » Donc voilà, c'est vraiment un triste aveu, quoi. C'est, en gros, il acquiesce tout l'enseignement de l'Église qui dit que pour accéder au bon Dieu, pour accéder au Christ, le meilleur chemin, c'est un chemin de sacrifice, qu'il est étroit, qu'il est dur, et que c'est pas parce que c'est facile qu'en fait que c'est la bonne solution. Donc voilà, c'était un aveu. Si on c'est facile aussi d'aller en enfer. Hein. Moi, si je veux aller en enfer, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je vais voler, je vais tuer, je vais me comporter comme des brigands. C'est facile d'aller en enfer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent de la facilité. Après, est-ce que l'enfer est un choix enviable? Écoutez, Adoc, est-ce que tu voulais rebondir sur cette histoire de travelot protestant, prêtre, tout ça? Oui, alors, c'est intéressant ce que disait Rex sur le fait que ça ait commencé chez les anglicans. Est-ce que ça peut être lié aussi à l'exemplicité de certains anglais? On a quand même des choses assez originales qui viennent de chez eux. Je pense qu'effectivement, ce fond libéral peut expliquer ça. En revanche, on voit que ça arrive chez les modernistes, chez les catholiques modernistes. Sur ça, on a beau, le catholicisme et le protestantisme ont beau ne rien avoir en commun, ça pénètre quand même. Alors, on va dire que ce n'est pas la vraie Église, le catholicisme saint. Cela dit, c'est les institutions de l'Église catholique que ça pénètre. C'est pas des gens qui ont été remplacés du jour au lendemain. Donc, on a là, dans le catéchisme de Saint Pie X, on disait que ça faisait partie, que l'homosexualité faisait partie des quatre péchés qui criaient vengeance à la face de Dieu. Et aujourd'hui, on a donc Bergoglio qui nous demandait qui il était pour juger les homosexuels. Là, en ce début d'année, on a des déclarations d'intention qui disent qu'un des buts de l'Église, entre guillemets, ça va être de mieux accepter les homosexuels, les LGBT en général. Il y a une vraie pénétration dans les différentes institutions. Pénétration dans tous les sens du terme, là, si j'ose dire. Ouais, voilà, je ne sais pas dire. Ce que moi, je vois, c'est que il y a eu des erreurs dogmatiques, des erreurs théologiques, il y a eu des hérésies. Avec le modernisme, qui répond quand même à des, à des questions théologiques pointues. Et là, on a vraiment, je dirais, les pires tares de la mauvaise modernité, de la décadence qui pénètre dans ces institutions. C'est donc quelque chose qu'on observe avec le triomphe du duo subjectiviste du libéralisme et du communisme depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Et il me semble donc important de souligner l'influence qu'ont les désordres naturels, même dans ces institutions saintes. Et j'encourage les catholiques à se mêler de politique, parce que c'est aussi par cette voie que pourra se faire une restauration. Il faut qu'on soigne notre nature blessée en étant les meilleurs chrétiens possibles, les meilleurs catholiques possibles. Mais pour remettre de l'ordre à Rome, il faut aussi déjà remettre de l'ordre dans la cité. Donc, engagez-vous en politique, pas n'importe comment. Hein. Quand je parle de politique, je ne parle pas de perdre votre temps avec des partis électoralistes. Par ailleurs, je voudrais répondre parfois à des camarades de politique qui voient ce qui se passe donc chez les protestants, chez les conciliaires, et qui font des églises ou fausses églises chrétiennes des promoteurs de la modernité, de la décadence. Je leur réponds ça, que c'est pas quelque chose qui est essentiel, c'est même pas quelque chose de catholique, mais c'est simplement des traces de cette victoire des mauvaises idéologies, des idéologies destructrices du XXe siècle qui ont gagné la guerre et qui pourrissent tout. J'ai commis parfois une énorme erreur. Et en fait, qu'est-ce une erreur en politique? Et quand je récapitule, je n'ai qu'un sentiment, c'est un immense regret. Regret que nous n'ayons pas réussi, que nous n'ayons pas pu créer ce monde européen qui était le maître de l'univers pour toujours, qui assurait à la race blanche la première des races, la grande domination de l'esprit. Et quand nous voyons ce qu'il y a en face, ce que 30 ans de victoire des autres ont donné, cette anarchie dans le monde, cette débandade du monde blanc, cette désertion à travers l'univers, quand nous voyons dans nos propres pays la décomposition des mœurs, la chute de la patrie, la chute de la famille, la chute de l'ordre social, quand nous voyons cet appétit des biens matériels qui a succédé à la grande flamme de l'idéal qui nous animait, et bien vraiment, entre les deux, nous avions choisi le bon côté. Par rapport à cette histoire d'origine anglo-saxonne, de ce délire protestant, LGBT, on ne sait même plus d'ailleurs. Vous savez, quand j'ai lu l'article, j'étais en train de me poser la question. Alors attends, est-ce que c'est un homme qui se déguise en femme? Est-ce que c'est une femme qui se déguise en homme? En plus, on voit la photo. Alors la photo, c'est difficile de vous décrire. Parce que forcément, vous l'avez pas en face des yeux, mais c'est un monstre, quoi. C'est une espèce de type avec une grosse mâchoire, un double menton et du maquillage avec des cheveux longs et une tête de poisson. Je sais pas comment décrire ce truc-là. Voilà. On arrive à des monstruosités. Alors effectivement, je pense qu'il y a une origine anglo-saxonne qui explique bien des choses, notamment parce qu'on vient de parler de l'Église d'Angleterre, donc les Anglicans. C'est quand même des gens qui ont fondé la religion sur la base du roi Henri VIII, qui voulait se remarier à plusieurs reprises, et il a demandé l'autorisation au pape, qui lui a dit « Bah non, tu es marié, de quoi tu parles ? Tu es marié jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Et il a bien entendu ce « jusqu'à ce que la mort vous sépare », puisqu'il les a plus ou moins zigouillés. 1534, au moment où le vent de la réforme souffle sur toute l'Europe du Nord, le roi d'Angleterre, Henri VIII, veut annuler son mariage. Mais le pape le lui refuse. Le début d'une longue rupture. Henri VIII a dit, bon, dans ce cas-là, je vais être le chef de l'Église en Angleterre. Lorsque tout cela a commencé et qu'il n'a pu obtenir le divorce qu'il souhaitait, il serait peut-être plus juste de dire qu'il a agi comme un enfant gâté. Henri est habitué à ce que ses désirs soient des ordres. Et après, il a profité de la réforme pour installer un mouvement antipapal. Ce qui est certain, c'est que fonder une religion sur un fait historique aussi cruel et aussi comment dire, dingue, ça me paraît complètement absurde, parce que la scission en Mécane a démarré par rapport à cet événement personnel d'Henri VIII, qui voulait absolument divorcer. Le divorce n'existe pas dans l'Église catholique. Voilà. Mais, maintenant, ceci étant dit, par rapport à ces histoires d'origine anglo-saxonne, moi je crains très sincèrement que ce genre de choses arrive de manière beaucoup plus fréquente et beaucoup plus habituelle dans l'Église conciliaire. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'ils nous sortent ? Ils nous sortent des prêtres qui essayent de pas trop taper sur les doigts des gens qui vont condamner l'homosexualité, ou alors des prêtres dont on se doute très fortement qu'ils ont des tendances privées assez inavouables. Prêtres, entre guillemets, des prêtres conciliaires. Bon, c'est une chose. De là à passer à des transsexuels, c'est quand même un autre pas. Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire gober ça ? Je pense qu'ils vont essayer. Dans la précédente émission, on avait cité à deux reprises des extraits de M. l'abbé Olivier Rioux, que l'on salue d'ailleurs parce qu'il nous a fait un petit coucou sur son blog, donc on remercie. Et récemment, il a fait une vidéo assez rigolote par rapport à un type qui se présente comme prêtre, conciliaire, bien sûr, le père Mathieu. Donc, je pense que le type, il est aussi prêtre que moi, je suis cardinal. Hein. Mais bon. Et qui est extrêmement efféminé. Je vais d'ailleurs m'arrêter à ce constat, parce que j'aurais bien envie d'en dire plus, mais à mon avis, il en est, tout simplement. Et on arrive à des absurdités avec des gens qui vont nous dire « Écoutez, moi j'ai bien lu la Bible, etc. Finalement, l'homosexualité, c'est pas condamné. » Alors, c'est délirant. C'est délirant. Bien sûr que c'est condamné. Bien sûr que c'est condamnable. Savez-vous ce qu'on dit de Mathieu ? On dit qu'il en est ce jeune homme poli et si gentil. On dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille, avec de bonnes fréquentations, toujours si soigné de sa personne, pour le voir se recoudre un bouton. Alors pourquoi que les gens font Bonjour à tous, il faut qu'on vous parle aujourd'hui donc du père Mathieu. Quand on m'a fait découvrir ce personnage, bah je me suis crié, non c'est pas possible, un tel gars ça peut pas exister. J'arrivais pas à croire que ça pouvait être vrai. C'est un Lucky Luke de l'hérésie. Il déraille plus vite que son ombre. En langage biblique, on dira que c'est un loup couvert d'une peau de brebis. Et en plus, c'est un prétentieux, écoutez-le. Des gens qui souhaitent que je me fasse virer parce que je dis que l'homosexualité n'est pas un péché, il semble y en avoir un paquet. Par contre, des gens qui sont capables de m'apporter des arguments rationnels pour me démontrer que ce que j'ai dit est faux, et pourquoi pas même me démontrer que dans la Bible ou dans le catéchisme de l'Église, c'est bien montré que l'homosexualité est un péché, ça j'en ai pas trouvé. Eh ben ça, j'en ai pas trouvé. Oh, chochotte, elle a bobo. C'est un petit prétentieux, parce qu'il fait le clown sur les réseaux sociaux, et il s'imagine que tout le monde a du temps à perdre pour pouvoir réfuter toutes les niaiseries qui l'accumulent les unes après les autres. Alors c'est un insensé. Écoute Mathieu, tu veux des arguments rationnels, eh bien on va t'en donner, reste là, bouge pas, reste sur l'écran, ça vient. Est-ce qu'ils vont arriver à nous mettre en place dans l'église conciliaire des prêtres qui vont être ouvertement transgenres, en nous faisant le coup du « bah écoutez, je suis désolé monsieur Bobby, mais sur la carte d'identité de madame, c'est marqué que madame est un monsieur, donc madame peut très bien être prêtre, ou l'inverse d'ailleurs, on ne sait pas ». Je pense qu'ils vont essayer de nous pondre des trucs comme ça. Mais en fait, tout ça, ça vient de la libre interprétation de la Bible, si tu veux. Comme ce prêtre trans anglais, là. C'est parce qu'il a interprété à sa manière, à lui, le récit d'Adam et Ève. Donc, pas à la manière de l'enseignement de l'Église. Donc, il dit, oh, bah, du coup, je peux être trans, donc c'est bon. Et bah là, le père, le sodomite Mathieu, et bah, c'est exactement pareil. En gros, le mec, il interprète les saintes paroles à sa manière, à lui, et ça justifie tout. Et ce qui prouve, en fait, vraiment que la paroi entre le protestantisme et l'hérésie moderniste, en fait, elle est de plus en plus faible, à tel point qu'on sait que, par exemple, au Conciliabule Vatican II, il y avait des protestants qui étaient présents et qui ont énormément influencé pour organiser cette révolution dans l'Église. Donc en fait, le modernisme n'est qu'une facette supplémentaire du protestantisme, à mon sens en tout cas. Nous déclarons œcuménique ce concile. Vatican II est un concile d'espérance et d'ouverture pour l'Église romaine, y compris dans ses relations avec l'Église d'Angleterre. 4 ans plus tard, pour la première fois, un primat anglican sera reçu à Rome par un pape catholique. Et c'était suivant Vatican II que Michael Ramsey a eu cette réunion historique avec Paul VI. Et la chose même plus intéressante, c'est que depuis cette réunion, chaque archevêque de Canterbury et chaque pape se sont réunis. Et chaque fois qu'ils ont fait ça, nous avons eu une avance dans les relations entre les deux églises. Sous les voûtes de la cathédrale de Canterbury, orgues et trompettes ont salué ce matin l'arrivée de Jean-Paul II au siège de l'église anglicane. Je peux ajouter quelque chose. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, déjà, l'homosexualité est rejetée 1000 fois et dans l'amendement du Nouveau Testament, il n'y a pas d'amendement de changement concernant ce sujet-là. Donc ça ne change pas et puis de toute façon cette condamnation est réitérée. Je crois que Saint Paul condamne quand même les efféminés. Je crois que c'est ça le terme qu'il emploie, les efféminés. Alors, effectivement, il dit pas spécifiquement homosexuel, d'accord, mais on a compris, d'accord, efféminés. Corinthiens 6:9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Moi, en tout cas, j'ai envie de dire avec tout ça, à quand un Roméo et Julien Shakespeare 2.0 quoi. Faudrait réviser un petit peu tout le théâtre, hein, je pense. Surtout non, mais alors là, Rex, je suis désolé, mais ils l'ont déjà fait. Je sais. Ils sont trop rapides pour nos vannes, maintenant. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer avec la série qui me faisait rigoler quand j'étais, un jeune adolescent, South Park, qui maintenant, en fait, me fait plus rire parce que la réalité a dépassé la fiction. Et même les créateurs ont été obligés de le reconnaître. Ils n'arrivent plus, finalement, à être aussi originaux que des gens qui vont se déclarer du jour au lendemain non-trinaires, perroquets, tendance homosexuelle de je sais pas trop quoi, et en plus, oui, bien sûr, je suis prête, parce que, vous comprenez, j'ai lu la Bible, le passage... Alors, je pense qu'à force de se faire traduire des Bibles par la langue yiddish, on arrive à des traductions qui sont quand même assez bizarroïdes. Hein. C'est sûr que si vous prenez votre Bible et que vous la lisez de droite à gauche, comme vous le conseillent les rabbins, vous comprenez rien du tout. Je pense que ces gens sont trop conseillés par des rabbins, et ferait mieux de s'en tenir aux traductions classiques. Voilà. Vous comprendrez bien mieux les éléments. Surtout les éléments aussi compliqués que l'Ancien Testament. Pour le comprendre, il faut s'accrocher un peu quand même. Hein. Même si vous êtes un bon catholique pratiquant ce que vous voulez, déjà c'est un sacré pavé. Et en plus, si vous voulez faire des interprétations personnelles de l'Ancien Testament, j'ai envie de dire, il faut quand même venir avec des bagages, quoi. C'est quand même assez arrogant, tous ces gens qui viennent comme ça nous dire « Écoutez, on s'est trompé finalement pendant 2000 ans, d'accord, moi j'ai lu à ma sauce, et finalement ça veut pas du tout dire ce que tous les esprits brillants ont décrété jusque-là, ça veut dire on a le droit, on est pour l'amour et la tolérance, et faire des bisous. » Oui, bon, écoutez, ça vole pas haut. Hein. Bah, c'est exactement ça. Disons que les protestants ont pu protester, et ils se basent sur des textes qu'ils ont eus grâce à l'Église catholique qui les a maintenus pendant 1500 ans avant eux, quoi. Je veux dire, donc, sinon, sans ça, ils n'existeraient même pas. On pourrait ajouter ça. Après, pour ce qui est de les Anglicans, les Anglais nous amènent des saloperies. Bon, chaque nation a un petit peu sa part d'inconvénients et d'avantages. Et même chez nous, les Français, avec le gallicanisme, on allait un peu moins loin, mais c'était quand même grave et gravissime d'un point de vue de la question de l'autorité dans l'Église, de choses comme ça. Donc on pourrait accuser un peu de choses et d'autres telle ou telle nation à tel moment. Un peu comme François Ier qui s'allie avec la Turquie, les Ottomans musulmans contre le reste de l'Europe chrétienne. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'il faut connaître et pas se dire que tel du temps de la royauté, c'était tout blanc à la virgule près et tout ça. Et pour ceux qui penseraient qu'on s'éloigne un peu du sujet à flinguer le protestantisme à propos des trucs LGBT, bah, je pense que vous avez tous bien argumenté, document à l'appui, pour bien montrer que non, en fait, c'était à partir de ce subjectivisme qui a tout rasé. Il fallait juste attendre quelques décennies, quelques siècles pour que ça puisse entrer dans certains esprits un peu fous, quoi. Surtout que ce n'est pas le seul cadeau que nous ont fait les Anglais, en fait. Parce que de l'Angleterre vient aussi la franc-maçonnerie. Donc à la base, elle a été créée au XVIIIe siècle. C'est la fusion de deux organismes. Je crois que c'était une ancienne corporation de bâtisseurs et la société occultiste des Rosicruciens. Et en fait, les trois personnes qui ont créé et propagé la franc-maçonnerie, c'est Anderson, Des Aguliers et le chevalier Ramsay. Donc en gros, les trois, ils étaient protestants, parce que par exemple, Anderson, il était ministre presbytérien. Des Aguliers, donc lui, c'était le fils d'un pasteur protestant de La Rochelle. Et Ramsay, lui aussi, est né dans une famille protestante. Et d'ailleurs, ce qui faisait dire à Monseigneur Join que la franc-maçonnerie est fille de la réforme. Donc voilà, un autre cadeau des Anglais, en plus de l'hérésie protestante, c'est la franc-maçonnerie, mais en même temps, on est dans la même continuité, dans la même logique. Nous, c'est-à-dire... en France aussi, on a fait des cadeaux empoisonnés. Hein. Il faut quand même aussi contrebalancer l'autre aspect. Moi, je ne suis pas en train de prôner la France, c'est génial, cocorico, et puis il n'y a absolument rien à revoir. Ne serait-ce que la Révolution française, je veux bien entendre que la Révolution française a des origines et des influences étrangères, très bien. Mais enfin, la Révolution française avait été tentée dans beaucoup de pays, et la sauce a pris uniquement en France au départ. Voilà. Et c'est un poison qu'on a répandu à travers toute l'Europe, très rapidement, qui vient de chez nous, et ça fait beaucoup de dégâts, ça fait encore d'ailleurs beaucoup de dégâts, parce que malheureusement, on est encore en train de s'exprimer sous le joug républicain actuellement. Vu que tu parles de la Révolution française, je crois qu'on peut un peu rebondir justement sur les guerres de religion qui ont eu lieu en France, donc entre catholiques et protestants, parce qu'en fait, la Révolution française, c'était vraiment, comment dire, c'était la continuité de ces guerres de religion, parce qu'en réalité, la Révolution française a été une guerre contre la catholicité, contre les catholiques, contre le clergé, etc., qui avait été reproduit avant par les protestants, avec le même niveau d'ignominie, les mêmes meurtres, les mêmes assassinats, les mêmes exactions, où on brûlait les villes, on tuait les femmes, on tuait les enfants, etc. etc. Sans compter les blasphèmes, les destructions d'églises, des icônes, des statues, donc de la Vierge Marie, etc. Donc en fait, la Révolution française, ça a été le parachèvement des protestants. Donc voilà, quand je dis que ça vient des Anglais, c'est pas que je cible l'Angleterre. C'est bien sûr, c'est un courant philosophique qui était européen, qui était partout. Mais les Anglais nous ont vraiment légué cette mouvance, cette libre pensée. Quand on pense que voilà, qu'il n'y a pas de vérité religieuse universelle, que c'est à chacun sa vérité, que la conscience est à elle-même sa loi, sa foi, et qu'il n'y a pas d'autorité extérieure, quoi. Voilà, surtout en termes de religion, bah ça c'est vraiment un concept protestant qu'on retrouve du coup chez les francs-maçons, comme quoi l'homme est sa propre référence, que toute autorité extérieure doit être refusée, bon, sauf celle du 33e degré, quoi. C'est un peu l'idée. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas être trop univoque non plus sur le lien entre protestantisme et Révolution française. Il y a beaucoup d'autres tenants et aboutissants à la Révolution française. Déjà, on a le poids de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle n'est pas elle a des origines peut-être partiellement protestantes, mais ce n'est pas que ça non plus. Sinon, il y aurait unicité entre les deux. Par ailleurs, il y a quand même des manquements dans l'Ancien Régime, mais ça nous emmène sur d'autres sujets, en termes d'organicité, qui ont fait que la bourgeoisie, qui n'était pas uniquement protestante, mais aussi catholique, a été menée à conspirer. Voilà, j'entends ce que tu dis, mais je pense qu'il ne faut pas être trop univoque non plus. Je pars avec toi, Adoc, hein. C'était juste une jambe de la Révolution, en fait. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, avant tout, c'était le courant philosophique et les bourgeois qui ont mené cette Révolution, quoi, contre nous. Oui, c'est vrai qu'on utilise un peu simplement des dates clés, avec 1789, 1945, des choses comme ça. Après, on sait que si on dézoome un peu et que les analyses sont toujours complexes, donc voilà, il y avait les fautes de l'Ancien Régime, où voilà, Louis XVI a sans doute été un roi trop débonnaire, c'est ainsi qu'il se fait ravir le trône. Ça n'aurait pas arrivé à certains autres hommes, comme Frédéric II de Prusse, même Louis XIV et Louis XV ne se seraient pas laissés faire autant... Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis en plus, c'est avant même la Révolution, oui, on avait d'un côté un début de bourgeoisie et les nobles qui commençaient à s'appauvrir de plus en plus et à être dépassés par cette bourgeoisie qui était en partie porteuse de principes subversifs, etc. En fait, malheureusement, la noblesse s'est ennuyée après Louis XIV parce que voilà, tout était centré autour du roi Soleil, il fallait être son courtisan et qu'une fois qu'il est décédé, la bourgeoisie s'est ennuyée, elle a lu les encyclopédistes et donc tombé dans les bras de Voltaire, etc. Et voilà, voilà, c'est malheureusement l'attrait pour la curiosité intellectuelle, etc., un petit peu comme avec la Renaissance où c'est un rouleau compresseur qu'on n'arrive pas à arrêter parce que voilà, on redécouvre l'antiquité gréco-romaine, on veut s'en inspirer, on veut se comparer à eux, on veut... Et c'est ça, c'est plus complexe que des histoires de franc-maçonnerie, même si c'est un instrument non négligeable et de protestantisme pareillement. Ça, c'est ça. Il ne faut pas oublier non plus que toutes ces hérésies surfent sur nos propres faiblesses. C'est-à-dire qu'on a laissé finalement pénétrer ces idées dans l'atmosphère politique et religieuse ambiante. Voilà. Les gens voulaient, les encyclopédistes finalement, ils ont misé sur une volonté de changement. En fait, le peuple voulait un changement, mais le peuple n'a pas spécialement de conscience politique précise en termes de masse collective. Il voulait un changement, peu importe le changement. Et nous, on nous refait le coup à chaque élection présidentielle, ça fait rire tout le monde quand on parle d'histoire d'ancien régime, parce qu'on voit bien à quel point c'est grossier. Mais nous, à chaque élection présidentielle, on tombe dans le panneau à chaque fois. Les gens veulent un changement. Vous voulez quoi? On ne sait pas. En tout cas, on ne veut pas ce qu'on a actuellement. D'accord. C'est la fameuse image caricaturale qu'on trouve... parfois sur internet où il y a un speaker qui s'exprime. Alors, qui c'est qui veut le changement? Il y a tout le monde qui lève la main. Ouais, on veut le changement. Qui est-ce qui veut changer? Personne lève la main. Voilà. Donc, les gens voulaient un changement. Les encyclopédistes ont compris qu'il y avait quand même un pactole à se faire là-dessus. Ils ont placé leurs jetons, ils ont misé et ça a marché parce qu'on a eu quand même la faiblesse, on va dire une responsabilité collective, de se dire bon, bah écoutez, on ne sait pas trop où ce que ça va nous mener. Où est-ce que ça va nous mener, mais on va quand même tenter le coup, voilà. Quitte à accepter une petite hérésie, puis deux, puis trois, puis quatre, puis à la fin, on accepte tout. Hein, voilà. C'est ce qui se passe exactement avec le modernisme. Je vais raconter une anecdote un peu personnelle. J'étais en visite chez mes grands-parents, je n'avais pas vu depuis pas mal de temps, et ils m'avaient parlé d'histoire de religion, parce qu'ils parlaient de ma conversion, genre de trucs. Et à un moment donné, ma grand-mère, catholique, baptême, tout ça, machin, à l'église tous les dimanches, église, elle a changé d'église en cours de route, hein, avec Vatican II, elle a suivi le mouvement, quoi, hein. Donc, au fur et à mesure, elle n'est pas allée chez Monseigneur Lefebvre, hein, quand ça s'est passé, les événements Vatican II, elle a continué dans sa paroisse locale, elle a vu que le prêtre était remplacé par un autre, ça a changé, et petit à petit, on essaie de gober une bêtise, puis une autre, puis une autre, et à la fin de ma sortie, quand je lui ai parlé de cette histoire ahurissante de Jean-Paul II qui embrasse le Coran publiquement, comment est-ce qu'on peut faire un truc pareil alors que finalement le Coran dit tout simplement que le Christ est un menteur. Si on lit le Coran, si on a compris, c'est ça que ça veut dire. Le Christ n'est pas le fils de Dieu, le Christ est un menteur. C'est un magicien. C'est comme ça que les musulmans voient le Christ. C'est bien qu'ils essayent de nous faire des un peu de soubrette comme ça et nous dire « Ah, vous savez, Issa, comme ça qu'ils l'appellent. Issa, c'est un prophète, on le respecte et tout. » Enfin, c'est un prophète, vous dites que c'est pas le fils de Dieu. Donc, quelle est la plus grande injure qu'un musulman puisse faire? Finalement, c'est de réciter son Coran et lui dire que tous les chrétiens sont des menteurs. Elle m'a répondu, bah finalement, embrasser le Coran, pourquoi pas, puisque dans le Coran, il contient quand même des éléments importants, positifs, on croit tous au même Dieu, etc. Puis elle m'a récité toutes les âneries qu'on balance à chaque fois, l'église, je vais l'appeler l'église de Vatican II, quoi, chez les modernos, on balance tout se vaut, on prie le même Dieu, c'est la même chose, les petites différences, faut pas regarder, faut être tolérant, faut aimer, tout ça, blabla, pouet pouet. Un bisou bisou, vous connaissez. Je pense que cette personne, ma grand-mère, on lui aurait dit l'accumulation de toutes ces bêtises au début, elle aurait refusé en bloc. Elle aurait dit, attendez là, ce que vous êtes en train de me proposer, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas catholique. C'est bizarre. Mais vu qu'on fait une transformation, petit à petit, les gens ils finissent par gober, et à la fin ils se retrouvent en face de curés, plus ou moins curés, qui leur racontent à peu près n'importe quoi. La dernière fois que je suis allé dans une église moderniste, c'est très simple. Il y avait le curé qui avait son affiche politique pour donner absolument à manger aux Africains pendant son homélie, hein, pendant son homélie. Et à côté d'histoires de changement climatique et de tolérance aux personnes homosexuelles, ce que vous voulez, la personne rentre dans l'église, normalement, la première réaction quand elle voit ça, c'est, même si on n'est pas de droite, hein, c'est juste, qu'est-ce que ça fait là ? Sors le lance-flamme, quoi, direct. Non, mais je veux dire, même pour quelqu'un qui serait, on va dire, allez, un catho de gauche, d'accord ? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire ce truc-là, mais imaginons, d'accord ? On va faire l'effort intellectuel d'imaginer un catho de gauche, il rentre dans un truc pareil, normalement, même cette personne-là doit être choquée, elle doit se dire, c'est même pas que je suis en désaccord avec vous, c'est quel est le lien avec la religion ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de basculer dans une sorte d'ONG humanitaire, en plus qui penche très clairement d'un côté. Hein. Bon. Alors je crois que pour conclure ce sujet intéressant, il y a Dédé qui va absolument nous raconter une anecdote sympathique, on va dire, sur la mort de l'affreux Martin Luther. On t'écoute, Dédé. Alors, je reprends mon petit carnet. Luther, désespéré de son salut, peu de temps avant sa mort, sa femme lui montrait un soir d'été les étoiles qui brillaient en firmament. « Vois donc, maître, lui disait-elle. » Je précise que sa femme, c'était une ancienne religieuse donc défroquée avec lequel il s'est marié. Ah oui, parce que ce gros porc de Luther avait énormément de problèmes de mœurs et donc de fornication, etc. « Vois donc, maître, lui disait-elle, combien ce ciel est beau. Il ne brille pas pour nous, répondit sombrement l'hérésiarque. Est-ce, répliqua Catherine effrayée, parce que nous avons violé nos vœux. Peut-être, dit Luther. Si on était ainsi, il y faudrait revenir. Il est trop tard, le char est embourbé. En gros, là, on voit que Luther, il commence à douter sur tout ce qu'il a entrepris. Donc, sa femme, Catherine, commence à douter aussi. Et en fait, vu qu'ils ont violé leurs vœux de religion, ils n'auront plus jamais de certitude de pouvoir se sauver ou pas. Et concernant la mort de Luther, donc il y a deux versions. Il y a une version officielle et une version un peu plus officieuse que les historiens se disputent encore. Donc, Luther, c'était vraiment un alcoolo. Il buvait pas mal. Et apparemment, pendant une de ces soirées déjantées où il buvait, il s'est pendu. Du coup, les protestants qui étaient avec lui, ils ont découvert le cadavre. Et donc, ils l'ont mis sur un lit de mort, etc. Et ils ont dit, voilà, on va faire passer la rumeur comme quoi il est mort de sa belle mort, hein, d'une mort naturelle. Sauf que ce n'est pas le cas du tout, parce qu'il avait le visage complètement déformé, des abcès de pus, la gorge forcément noire-violette parce qu'il s'était pendu. Et en fait... les assistants n'arrivaient même pas à rester près du cadavre, tellement le cadavre puait. Donc voilà, donc vraiment le prophète du protestantisme est mort comme un gros porc dégueulasse, et ça présage rien de bon pour lui en tout cas. Avec Voltaire aussi, puisque lui, il a suivi tous ses cours de catéchisme, etc. Hein, tous les apôtres de la Révolution ne sont pas méconnaissants sur la doctrine catholique, donc au moment de la mort, s'il vous plaît, monsieur le curé, extrême onction, etc. Et on sait que ses amis ont bloqué l'arrivée du prêtre et donc il est mort sans l'assistance des sacrements que le prêtre pouvait lui donner. Oui, mais je sais que j'ai parlé de ces histoires avec des protestants concernant Luther. Et ben, voilà, je voulais simplement signaler qu'eux n'ont pas du tout les mêmes versions. C'est vrai qu'ils parlent de Luther, ils en donnent une image très différente. En tant que protestants, ils interprètent eux-mêmes les propos de Luther et l'histoire de Luther comme ils veulent, je pense. Non, mais bon, simplement, c'était pas pour défendre le protestantisme, mais pour signaler que les choses ne sont pas très arrêtées sur les faits historiques concernant Luther. Je ne sais pas si c'est pertinent d'en parler, mais surtout sur la question de l'anecdote avec les étoiles, eux le remettent complètement en question, simplement par honnêteté sur les faits historiques, quoi. À quel point les choses sont avérées ou pas, c'est toujours discutable. Oui, bon, on peut comprendre, bien sûr, parce que c'est quand même le 16e siècle, donc c'est difficile d'avoir des avis assez tranchés et certains sur ces questions-là, sur la vie personnelle de Luther, qui a aussi eu, donc, bien sûr, de son vivant, il avait eu déjà une énorme renommée, mais on va dire que ça a grandi davantage après sa mort. Donc peut-être que les sources sont un peu plus disputées d'un côté ou de l'autre. Voilà. Wenn wir dann jubeln, so im Duett, dann ist das Jubeln, Écoutez, messieurs, d'habitude, quand j'ai un nouveau sujet, je vous l'annonce, et parce qu'il peut y avoir un manque de liant, mais là, je trouve qu'on est complètement dans le ton. Plus de la moitié des satanistes sont LGBTQ. Alors, c'est pas moi qui le dis, d'accord ? C'est Lucien Greaves, qui est le fondateur d'un temple satanique qui a pignon sur rue aux États-Unis, d'accord ? Et qui affirme « Plus de 50% de nos membres sont LGBTQ. » Et c'est une estimation basse, d'accord ? 50% minimum. A conservative estimate. Il a parlé de ça dans un magazine homosexuel qui s'appelle Attitude et qui a été publié en novembre 2022. Ça fait un petit peu de bruit et donc le magazine a décidé de retirer la fameuse publication à l'issue. Mais c'est trop tard, hein. Vous savez, publier quelque chose sur Internet et puis c'est parti, c'est difficile à arrêter. Voilà, donc écoutez, maintenant c'est une statistique, on va dire, officielle de la part des satanistes eux-mêmes, d'accord ? Des satanistes qui, je le rappelle, ils font des rituels d'avortement, hein, des rituels d'avortement, qui affirment donc 50% de leurs membres sont des LGBTQ. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais enfoncer le clou sur le subjectivisme dont parlait Rex, parce qu'on est en plein dedans. Là, on a des gens qui rendent un culte à Satan, mais beaucoup de satanistes disent que eux, ce en quoi ils croient, c'est avant tout l'homme. Et c'est vrai que dans une inversion totale des valeurs, Satan, lui, veut déifier l'homme. Parce qu'une église avec lui à sa tête, ça serait déjà une part de vérité. Il y aurait l'idée d'une transcendance, de quelque chose de supérieur à l'homme. Ce que ces gens divinisent en réalité, c'est l'homme. Et puis leur capacité à être eux-mêmes créateurs de leur propre vérité. C'est vraiment ce qui oppose la droite et la gauche philosophique. Nous, parfois, on parle de la gauche et de la droite de manière très légère, comme simplement de deux camps partisans dans l'hémicycle d'une assemblée, mais ça peut aussi faire référence à une opposition qui est bien plus profonde, avec une droite philosophique qui considère que la réalité est unique, même si la vision qu'on en a peut être discutable, et puis l'idée d'une transcendance, de quelque chose qui est au-dessus de la création et au-dessus de l'homme. Alors que la gauche, elle, nie l'unicité de cette vérité, de cette transcendance, et divinise la subjectivité humaine, qui fait de chaque personne un petit dieu, qui finalement n'est limité que par les autres. Alors, c'est-à-dire que l'homme n'est plus limité par la réalité, ou par la nature, et puis par son individualité. Donc, comme disait tout à l'heure Rex, et Dédé, il peut s'identifier à un homme, une femme, une salamandre, un hélicoptère d'attaque. Mais en plus, il n'est limité finalement que par les autres. C'est ce qu'on entend parfois, c'est censé être une parole de sagesse aujourd'hui. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ce qui est complètement faux, sans les autres, on n'est pas libre, on est incapable de survivre. Mais du coup, cette conception de la liberté rend égoïste. Et dans cette même inversion des valeurs, dans cet égoïsme, on n'est pas étonné de voir un triomphe de l'homosexualité, qui est déjà un repli sur soi, parce qu'on ne va pas vers l'autre sexe, ce qui est pas toujours évident. Pour beaucoup de gens qui ont en plus, des déviances, c'est une question de facilité. Je suis sûr que beaucoup de membres des communautés MGTOW rêveraient d'être homosexuels, ça simplifierait énormément leur vie. La nature nous mène à nous donner, et par ailleurs, par ce don, on enfante, ce qui nous oblige aussi à contrarier notre égoïsme. Alors aujourd'hui, avec en plus des prétextes faussement écologiques, on inverse cette accusation d'égoïsme. Et aujourd'hui, c'est parce que vous avez des enfants que vous êtes censé être égoïste, parce que vous mettez en péril l'écologie, la planète. Et en revanche, c'est l'homosexualité qui devient la nouvelle vertu. Tout ça pour dire que... Là, la grande mission de Satan est en inversion des valeurs, il ne faut pas s'étonner de voir les communautés LGBT triompher en son sein. Enfin, au sein de son église sataniste, de sa fausse église sataniste. Alors, je ne sais pas qui compose les membres du fameux temple satanique américain dont on vient de parler. Écoutez, je ne sais pas si ces gens sont sérieux. Je pense qu'à la tête du fameux temple, il y a des gens qui sont très sérieux et qui pensent vraiment rendre un culte à Satan. Ça, j'en suis persuadé. Après, pour ce qui est des membres à l'intérieur, il y a aussi, à mon avis, beaucoup de marginaux, beaucoup de gens qui... Bah, comme disait Haddock, en fait, des gens qui veulent juste... rendre un culte à eux-mêmes, qui sont juste extrêmement égocentriques. En cela, du coup, ils imitent foncièrement Satan, puisque le fameux cri de révolte de Satan, c'est finalement « je ne servirai pas ». Non serviam. Non serviam, c'est un cri de quelqu'un qui ne veut absolument pas obéir, parce qu'en fait, son ego est trop grand. Ce n'est pas son intelligence qui lui fait défaut. D'ailleurs, Satan ne souffre pas d'un manque d'intelligence. Il souffre d'un manque de contrition, d'un manque de charité, de plein de choses, mais on ne peut pas dire qu'il est... C'est un ange qui est bête, d'ailleurs. C'est l'inverse, d'ailleurs, il est mis en avant pour son intelligence. Vous savez, on est dans une situation où, en fait, dans nos sociétés, tout le monde a envie d'être différent. Voilà. Tout le monde veut être différent, et le paradoxe, c'est qu'il faut être différent comme tout le monde. Et finalement, cette histoire de culte rendu à Satan, ça va bien plaire, je pense, à ce nombre de personnes qui ont envie d'être dans la provoque, d'accord ? Il y a un proverbe africain qui dit... Même un chien peut piétiner un lion mort. C'est exactement ce que font ces gens. C'est-à-dire qu'ils crachent sur l'Église catholique parce que finalement, ils savent que derrière, ils risquent pas grand-chose. Ils crachent sur les chrétiens en général. Ils savent que finalement, ils vont pas subir les foudres. Moi, j'aimerais bien vous dire qu'on est autant de qu'on est autant de l'Inquisition et qu'on a des pouvoirs supernaturels et qu'on puisse contrôler tout pour finalement inciter les gens à faire le bien et que le mal est finalement déchu. Et que la télévision est pleine d'images saines et de contenus sains, mais la réalité est tout autre, d'accord ? La réalité est inverse. Donc, ils ne prennent pas de risques. En fait, ils font du Charlie Hebdo. C'est ça qu'ils font. C'est une version américaine de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo... En tout cas, si... excuse-moi de te couper, l'ami, mais si Bobby cite un proverbe africain, c'est qu'on peut s'y fier, là, hein, à ce stade. Ah, bah attends, je cite des proverbes africains, je veux pas avoir d'ennui, moi, je veux quand même pas citer des proverbes allemands. je disais donc, ils font du Charlie Hebdo, ces gens-là, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils font des dessins, tiens, on va mettre le pape, et puis on va lui mettre un seau sur la tête, et puis pim pam poum, on va le mettre tout nu. Voilà, c'est des enfantillages, c'est des gribouillis que font les gamins. Et puis Charlie Hebdo, ça faisait peut-être rire il y a 60 ans, quand c'était vite fait un peu subversif du temps de Fluide Glacial. D'ailleurs, quand ils étaient un peu subversifs, ils parlaient beaucoup plus de politique que de religion, d'accord ? Maintenant, c'est plus du tout subversif, c'est un journal qui est mort, d'accord, bourré de subventions. Il s'attaque beaucoup au christianisme et spécifiquement au catholicisme. Depuis que les frères Kouachi ont rendu une visite assez inamicale, on va dire qu'ils essayent d'être un peu plus tempérés sur la question de l'islam, d'accord. On n'était pas vraiment dans l'œcuménisme prôné par Vatican II, là, j'avoue. Ah non, non, ils font des distinctions entre les religions. Hein. Alors, le judaïsme, c'est vraiment pour la forme, mais il ne faut surtout pas y toucher, c'est de la nitroglycérine. Si on touche à ça, ça explose. Ils le savent, et d'ailleurs, ils se gardent bien de faire des critiques osées là-dessus à répétition, d'accord ? Le strict minimum. Oui, oui, je dis visite inamicale des frères Kouachi, je ne sais pas trop comment... Je cherche un qualificatif inamical, parce que... Parce qu'ils sont rentrés sans frapper, quoi. Ils sont rentrés sans frapper, ça se fait pas, quand même. Ils auraient pu frapper, s'annoncer. C'est quand même pas sympa de leur part, quoi. Et tous ces... Comment ils s'appellent ? Sharp, c'est ça, la tête d'affiche de Charlie Hebdo, là qui... Oui, oui, c'est ça. Qui, lui, jusqu'à la fin, ce mec aurait rien compris, quoi. On va mettre d'ailleurs des extraits d'un ou plusieurs membres de Charlie Hebdo avant la fameuse attaque terroriste des frères Kouachi, où en fait, on a des types qui sont complètement à côté de la plaque, et ils disent « Ah non, vous savez, notre danger, c'est quand même l'extrême droite catholique, l'extrême droite catholique, et puis l'extrême droite catholique. » Voilà, ils le répètent en boucle. Et je suis désolé, mais les frères Kouachi, quand ils ont toqué, ils n'ont pas fait Jésus Akbar, d'accord ? Il y a de la provocation, comme toutes les semaines, pas plus avec l'islam qu'avec d'autres sujets. Et pour le rappeler une énième fois, on a eu en 20 ans 14 procès avec l'extrême droite catholique, on a eu un procès avec l'islam. Donc quel est le problème en France ? Est-ce que c'est l'islam ou l'extrême droite catholique ? En tout cas, pour nous, l'extrême droite catholique nous a coûté beaucoup plus cher que l'islam. Donc ces gens savaient très bien sur qui ils pouvaient taper et sur qui ils ne pouvaient pas taper, ou alors c'est vraiment des crétins jusqu'au bout. Je pense que la plupart étaient des crétins jusqu'au bout, et que lorsqu'ils ont vu débarquer les Kouachi, ils se sont peut-être dit « Ah, les enfoirés de Monseigneur Lefebvre, les disciples, ils portent des djellabas maintenant, tu vois !» Non, mais c'est ça qu'ils se sont dit. Ils sont complètement à côté de la plaque jusqu'au bout du bout, quoi. Ils ont dû se dire « Non, mais arrêtez de crier à la Akbar, dites des Ouzvult à la place, parce que sinon, on va encore vous caricaturer. » C'est comme ça que ces gens pensaient jusqu'au bout, jusqu'avant de se prendre une balle, tellement qu'ils étaient complètement idiots. Bah, du coup, ils ont payé de leur vie leur idiotie, voilà. Donc, ces éléments-là qui font du buzz à petits frais sur une religion, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne prennent pas de risques, je suis désolé, ça ne s'appelle pas du courage, d'accord ? Ils font de la rente, d'accord ? Ces gens-là, ils ont un désir commercial, très bien. Ils ne veulent pas faire rire parce que, de toute manière, s'il vous faut faire rire, le problème de rire, c'est qu'il faut être subversif, d'accord ? Et la subversion, actuellement, elle n'est pas de gauche. Pour être subversif, il faut aussi avoir des ennuis. Je suis désolé. Mais le journal, il a eu des ennuis à titre privé parce que les musulmans n'étaient pas contents. Mais à titre politique, c'est un truc qui vit de subventions, d'accord ? Quand on veut faire rire et qu'on touche des subventions, on ne peut pas être subversif. D'un autre côté, malgré la petite volte-face qui est en train d'opérer Dieudonné, lui, il a eu des soucis. Et c'est pour ça qu'il était drôle, parce que les gens, quand ils allaient se rendre à ces spectacles, ils se disaient « Ce mec-là, il prend des risques, d'accord ?» Et même si j'apprécie pas une figure comique comme Coluche, à un moment donné, lui aussi, il a pris des risques et il a été un peu subversif, malgré tout ce qu'il a pu dire sur l'extrême droite, tout ça, machin. Et c'est pour ça qu'il a eu du succès, voilà. Et les comiques actuels, personnellement, ils me font pas rire, déjà parce que les trois quarts, ce sont des femmes, donc moi je suis désolé, les femmes ne me font pas rire de base, voilà, même s'ils font beaucoup d'efforts. Et les malgré sujets elles, quoi. Elles font rire malgré elles, en fait. C'est ça. Elles font rire malgré elles, ouais, c'est ça le problème, d'ailleurs. Et les sujets qu'ils abordent, les comiques, c'est des problèmes de couple. C'est « Ah, je vais faire un sketch sur ma femme qui a mal fait la vaisselle ou qui sait mal conduire et qui sait pas faire des créneaux. » Ouais, super, mais les vannes pipi-caca, moi je faisais ça quand j'étais au collège, d'accord ? Maintenant, je suis un trentenaire et l'humour frais, il doit comporter des risques. Sinon, il est vide, en fait. Il y a une femme qui m'a fait vaguement souffler du nez une fois, quasiment rire, c'est Paul Mirabel. Je connais pas du tout. c'est surtout un gars, mais un petit peu efféminé. La vanne a foiré. Désolé. Ok. Ouais, si, ça fait une vanne dans la vanne, du coup. Ouais, je n'étais pas au courant. Je suis en train de taper sur Google, là, Paul Mirabel, effectivement. Bah, lui, il pourrait très bien être prêtre dans l'église anglicane, hein, y a pas de souci. Hein. Cardinal, même. Hein. Oh là là, on la touche. Bah, en plus, il surfe sur la vague du bab tout fragile, en fait. Donc, il essaye de faire rire là-dessus. Et t'as peut-être deux, trois trucs qui peuvent être pas trop mal, mais sinon c'est horrible dans l'ensemble, c'est un peu comme Norman, quoi. Ah ouais, la Norman, c'est vraiment le fond du fond. Hein. Pff, oh là là, je sais que YouTube, le public est assez jeune, donc ça peut expliquer des choses, mais là, vraiment, le fond, il est vide, ça me fait peur, hein. Moi, ça me fait peur. Hein. Que ces gens-là aient du succès, c'est comme si on disait, tiens, Anna Romanoff arrive à remplir ses salles, quoi. Moi, c'est des informations qui me font froid dans le dos, quoi. C'est inquiétant, c'est sûr. Mais peut-être pas aussi inquiétant que c'est LGBT trans sataniste. Alors, pour donner une petite réaction aussi de ma part, ça fait un peu le lien avec le sujet d'avant, d'ailleurs. Mais voilà, quand ils disent 50%, c'est crédible. En même temps, ils se moussent peut-être. Mais que les LGBT soient satanistes, c'est un peu quelque chose qui crève les yeux. Même si le satanisme, bon, des fois, on ne sait pas si c'est un genre de matérialisme dégénéré ou un mysticisme, ou les deux qui se mélangent un peu. Comme on dit, c'est le culte de l'homme qui se donne ses limites à lui-même et donc, au final, aucune. Et, attention, il n'a pas, pas dit que la moitié des LGBT étaient satanistes. Hein. Il a dit que la moitié des satanistes étaient LGBT. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai dans l'autre sens ? Chacun se fera son idée, hein, si vous voulez. J'ai une petite idée sous la question. Voilà. Mais bon, c'est un avis personnel, là. Oui, c'est vrai que c'est un peu différent, ça les rend encore plus coupables, quoi, même en termes numériques. Et après, oui, bon, pour ce qui est de le satanisme ou l'athéisme, il me semble que le premier est plus grave. Je sais que Joseph Merel se posait la question et avait tendance à accabler l'athéisme parce que c'est une négation de Dieu. Mais le satanisme, finalement, c'est on reconnaît l'existence de Dieu et ensuite on s'y oppose, en fait. Donc c'est quand même une hostilité frontale. Donc il me semble que ça paraît encore plus coupable, disons. Et après, pour boucler un petit peu avec les méandres de l'homosexualité, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Bon, quand je parlais un peu des étudiants qui finissent par se définir non-binaires et tout ça, c'est choquant, mais il y a 15 ans, ils n'existeraient même pas. Donc les pauvres, on voit bien que la propagande passe de plus en plus. Et il y a aussi le fait que ce qui rend difficile même la vie de foyer, la vie de famille, l'avenir bon, de fonder une famille simplement, c'est la différence des psychologies, quoi. Comme la psychologie féminine est très différente. Et tu as pas mal d'hommes qui, à la base, n'ont pas ces tendances et qui finissent par les avoir parce que, en fait, il y a un problème de rencontre des femmes, d'arriver à leur plaire, d'arriver à... Et des fois, dans les méandres de l'homosexualité, tu as aussi ce sujet-là, en plus de celui très répandu de la mère omniprésente, très écrasante, etc., où finalement, il ne sort pas du giron de la mère et il s'identifie même un peu trop à elle. Et donc, ça donne... Ce type de comportement qui s'explique logiquement et que la psychologie a accepté, même je veux dire, un siècle après le freudisme, quoi, puisque c'est dans les années 80 on n'avait plus le droit de parler de ces choses-là dans un sens, c'est même pas défavorable en plus, mais voilà, on n'a plus le droit de dire qu'il faut corriger ce comportement, etc. Mais voilà, les méandres de l'homosexualité, c'est ça, et c'est très mal vu depuis à peine 40 ans en fait. Là, tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que le féminisme a ravagé les esprits des femmes modernes. C'est très difficile maintenant pour les jeunes hommes de rencontrer des femmes, et du coup, par manque, ils se tournent vers la voie finalement facile, celle. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, d'accord, c'est un processus. C'est les gens qui tombent dans la faiblesse, et petit à petit, sur le long terme, ils se font bouffer par une propagande, d'accord. Les couples homosexuels ne durent pas, en fait, en termes de statistiques. Ce sont des gens qui multiplient les partenaires, et c'est facile. Un homme aura toujours envie, bien plus qu'une femme, d'accord? C'est facile pour un homme de trouver un autre homme. Il va aller sur le site internet, machin, et puis il va trouver ce qu'il veut. S'il veut faire la même chose avec une femme, donc ce sont les femmes qui sélectionnent énormément, et que les hommes sélectionnent beaucoup moins, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc pour satisfaire ses besoins, il y a une partie de la population homosexuelle qui est du coup dans ce cadre-là de facilité, On est de dans une frustration. homosexualité plus liée à la concupiscence que celle des du LGBT sataniste qui serait plutôt dans une révolte et dans quelque chose de plus spirituel. Et alors là, je suis obligé de le partager ce sentiment personnel parce qu'on en a parlé un peu dans la dernière émission. Moi, je suis convaincu à Tu titre peux nous faire ton personnel. coming out, il n'y a pas de souci, Bobby. Non, non, pas du tout. Désolé, je vais te décevoir, mon cher Dédé, mais je pense très sincèrement que la pornographie a joué un rôle considérable dans la multiplicité des homosexuels. La pornographie, finalement, maintenant, c'est devenu déjà, la pornographie existe maintenant quasiment partout, d'accord? Les statistiques sont affolantes. Même chez des gens, donc on pourrait se dire, attendez, ils ont quand même 10, 12 ans, ils n'ont jamais vu de contenu pornographique, etc. Faut pas exagérer. C'est les réacs qui en rajoutent. Bla, bla, bla, bla, bla. Si vous êtes féru de stats là-dessus, j'aime citer une stat. D'un livre de gauche qui s'appelle Alice au pays du porno, qui c'est des féministes qui font des stats sur comment est-ce que les jeunes hommes voient les femmes et du coup quels sont le rapport que les jeunes hommes ont par rapport à la pornographie, est-ce qu'ils en consomment, oui, beaucoup, comment, pourquoi, voilà, c'est un bouquin de stats en fait, c'est un bouquin d'universitaire, donc c'est assez chiant à lire, mais en tout cas, vous êtes préado en France et vous êtes un homme, vous êtes gavé de contenu pornographique très tôt et du contenu hard, contenu très très hard. Et tout est fait de façon pour que vous consommiez du contenu de plus en plus hard, puisque finalement le cerveau humain va un peu se lasser du contenu original, et un peu comme pour un junkie en fait, qui va devoir augmenter ses doses ou varier un peu sa consommation, celui qui va consommer du porno va réagir de la même manière. Et pourquoi je fais un lien direct avec l'homosexualité, c'est que maintenant, alors, je suis désolé, hein, s'il y a des enfants qui écoutent ce podcast, écoutez, coupez ça tout de suite, et on va rentrer dans des détails un peu scabreux, mais je vais le mentionner. Maintenant, les acteurs porno n'existent plus. Les acteurs porno n'existent plus. Ici, il y a juste leurs attributs qui sont montrés, et des femmes. Alors, je suis désolé, mais la plasticité du cerveau, c'est un phénomène neurologique qui est extrêmement connu, extrêmement bien documenté, et qui est absolument infaillible. Si demain, vous avez un projet fou, eh bien, c'est absurde, je vous assure que ça marche. Vous dites, je veux avoir une attirance sexuelle envers les femmes très grandes, par exemple. Je dis n'importe quoi. Et vous consommez du contenu pornographique régulier avec des femmes qui sont très grandes, si au départ c'est pas votre délire, à la fin ça va le devenir. Il faut savoir que son utilisation excessive est associée à des activations de certaines zones du cerveau qui sont les mêmes que lorsque vous prenez de la cocaïne par exemple. La pornographie possède probablement le potentiel addictif le plus puissant au monde. Pourquoi ? Parce que la première raison, c'est que la pornographie, l'addiction à la pornographie se crée, s'installe avec un renforcement positif très puissant, à savoir l'orgasme. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous prenez un orgasme en consultant un site pornographique, eh ben, ça crée une libération de dopamine qui est énorme et qui vient vous conforter, si vous voulez, conforter votre cerveau dans l'idée que ce comportement est bon pour vous. On va le voir un peu après dans le système de la récompense. La libération de dopamine associée à l'orgasme, c'est probablement la plus puissante que vous trouverez n'importe où en fait dans le monde. Il n'y a pas plus puissant comme levier motivationnel que le sexe. Et c'est pour cette raison déjà que la pornographie est extrêmement puissante, parce qu'elle se renforce avec l'orgasme sexuel. La deuxième raison, c'est son hyperaccessibilité. Les chercheurs qui ont étudié le domaine parlent de triple A, ça veut dire triple A, donc en l'occurrence affordability, accessibility and anonymous. Ça veut dire qu'en fait c'est anonyme, c'est accessible, hyper accessible, et c'est gratuit. Hein, vous n'avez pas à payer pour ça. Ces trois facteurs font qu'en fait vous avez de l'héroïne à la maison, gratuitement, de manière illimitée, sans même avoir besoin de signer quelque part. Maintenant, on va voir les conséquences sur le cerveau, hein, sur la neuroplasticité, et plus particulièrement sur le système de la récompense. Alors, qu'est-ce que le système de la récompense ? C'est cet ensemble de structures cérébrales qui sont reliées entre elles et qui vont vous pousser à aller chercher ce qui est bon pour vous, pour votre survie et pour votre reproduction, grâce à la libération de la dopamine. Typiquement, ça vous pousse à aller chercher de la bonne nourriture, ça vous pousse à aller chercher du sexe. Il faut savoir que la dopamine est principalement liée au principe de prégnance, c'est-à-dire à la nouveauté, à ce qui est nouveau dans l'environnement. Alors, on va y voir quatre phénomènes donc, de neuroplasticité. Le premier, c'est la sensibilisation comportementale. Donc, c'est-à-dire, vous regardez pour la première fois un film pornographique ou de la littérature érotique, car c'est considéré également comme de la pornographie, les chercheurs se posent la question à savoir si 50 nuances degrés ne pourraient pas être considérées comme de la pornographie. Donc c'est pour vous dire. Pour la première fois de votre vie, vous lisez une histoire érotique ou alors vous regardez une vidéo, eh bien vous allez avoir une libération anormale de dopamine. Cette libération de dopamine va être associée au comportement présent, à savoir masturbation devant un écran. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Votre cerveau va associer finalement ce super stimulus qu'est le film pornographique devant votre écran à une dose immense de plaisir. Alors la dopamine, elle va être arrosée un peu partout dans le cerveau, du moins dans le système limbique, hein, dans les noyaux accumbens, par l'aire tegmentale ventrale. Et puis les noyaux accumbens vont dispatcher ça partout, dans le cortex préfrontal, dans l'amygdale, dans l'hippocampe. D'ailleurs, l'hippocampe, c'est cette zone du cerveau qui est responsable, en tout cas, qui a un rôle dans la mémoire. Et plus le plaisir est intense, plus il va y avoir de dopamine dans l'hippocampe, plus l'expérience vécue va être associée à du plaisir, et plus forcément le comportement va être encodé dans la mémoire. Et en fait, c'est ça, plus vous allez vous masturber devant de la pornographie, plus vous allez renvoyer le message à votre cerveau comme quoi c'est bon pour toi. En fait, le cerveau, il se dit, c'est tellement bon, il faut que je fasse tout pour arriver à en retrouver à nouveau. Vous renforcez toujours plus le message, hein, c'est le renforcement positif. Et d'ailleurs, tout ce qui va être associé autour va être également considéré comme étant des stimuli associés au plaisir. Donc, par exemple, votre écran peut provoquer de la dopamine. En fait, ce qui compte, c'est pas tant le plaisir en soi, c'est l'anticipation du plaisir. La dopamine, elle gère l'anticipation du plaisir. Alors, le deuxième effet qui va se passer dans votre cerveau, c'est la désensibilisation comportementale. On a eu la lune de miel, hein, et maintenant, on va voir le divorce. Il y a des tels niveaux de dopamine qui sont atteints qu'il faut qu'il y ait une régulation de ces niveaux de dopamine. Et c'est ce que va faire le cortex préfrontal, qui va exercer une inhibition sur ces niveaux de dopamine, un contrôle, hein, une régulation négative. Ça va réduire le nombre de récepteurs à la dopamine. Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Déjà, ça va faire que vous allez ressentir de moins en moins de plaisir pour les choses du quotidien, pour les choses simples du quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ça joue sur la dépression. Hein. Vous avez une perte de motivation, il n'y a plus rien qui vous intéresse dans la vie. Le fait de manger un croissant le matin, ça ne vous procure plus de plaisir. même vous n'arrivez même plus à vous masturber sans support visuel. Mais ça, alors là, c'est un autre principe, c'est que ce qui au départ suffisait à vous provoquer énormément de plaisir, hein, ah bah aujourd'hui ça ne suffit plus. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Bah, il faut augmenter le caractère extrême de la vidéo que vous visionnez. Il vous en faut toujours plus pour arriver à retrouver les mêmes niveaux de dopamine qu'au préalable. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Si vous voulez savoir si vous êtes dans cette configuration, hein, si vous êtes victime de ce principe de tolérance, c'est-à-dire si vous êtes accro, hein, finalement, à la pornographie, bien posez-vous la question. Est-ce que ce que vous regardez aujourd'hui, vous auriez considéré ça comme étant bizarre ou dégoûtant lorsque vous avez commencé à regarder de la pornographie il y a de cela 5, 10, 20 ans, je ne sais pas. Première question. Deuxième question. Est-ce que ce que vous avez commencé, à l'inverse, à regarder quand vous avez commencé la pornographie, la première vidéo que vous avez regardée, les premières vidéos sur lesquelles vous avez pris énormément de plaisir, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez capable de prendre du plaisir sur ces vidéos-là? Et si la réponse est non, eh bien c'est très probablement que vous êtes accro, addict à la pornographie. La plasticité du cerveau fonctionne comme ça. Et donc, la consommation du porno est telle qu'actuellement, qui touche énormément les hommes, cela va sans dire, est telle qu'il y a des types, ils sont gavés d'images où on voit finalement des pénis à longueur de journée, en quantité absolument dingue, et qui associent ça avec l'acte masturbatoire qui s'effectue à côté, et à la fin, le cerveau, il fait l'association, bien sûr qu'il a fait, et ça modifie les comportements, et ça, c'est un ajout majeur, voilà. Le Rav Ronchaya peut dire ce qu'il veut, hein, on a passé l'extrait dans l'émission précédente, d'accord ? La pornographie, peut-être qu'il faudrait faire une émission spéciale là-dessus. Ça vient pas de chez nous, d'accord? Ça vient de la part de gens qui ont justement un bout de prépuce en moins. Alors il faut bien comprendre que tous ces effets que je vous décris là, ils sont amplifiés chez les adolescents. C'est extrêmement grave. Il faut que vous compreniez qu'en fait, le cerveau d'un adolescent, il est pas encore fini d'être développé, notamment sur justement le cortex préfrontal. C'est pour ça qu'on décrit souvent le cliché de l'ado comme étant indécis. On lui dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Il dit « ah, je sais pas ». Bah oui, mais c'est parce que c'est pas encore développé ici. C'est aussi l'impulsivité. Les ados sont plus impulsifs, vont avoir des comportements un peu plus extrêmes, par exemple dans la prise de drogue ou dans la conduite. Comme le cerveau à cet âge-là est encore extrêmement plastique, et il y a aussi l'amygdale d'ailleurs qui n'a pas fini de se développer, le cortex préfrontal et l'amygdale vont être extrêmement sensibles aux stimuli externes et à ce circuit de la récompense complètement bouleversé. Et ça va avoir des effets irréversibles. Ça peut avoir des effets irréversibles sur l'adulte. Hein, ça peut laisser une empreinte qui restera à vie. Et c'est beaucoup plus grave qu'une personne qui se met à la pornographie une fois que son cerveau a fini de se développer. La deuxième chose, c'est que la pornographie, on l'a vu, de par son système de tolérance, va faire que vous allez regarder du caractère pornographique de plus en plus extrême. Imaginez un adolescent, un enfant de 15 ans, de 12 ans, qui commence à regarder de la pornographie avant même d'avoir connu une expérience sexuelle réelle avec une femme, avec un être humain. Eh bien, non seulement il va associer le plaisir avec l'ordinateur, bon ça on l'a déjà vu, mais surtout par le principe de tolérance, il va regarder du contenu de plus en plus extrême. Il va construire des fantasmes de plus en plus extrêmes, il va conditionner sa sexualité, qui elle aussi est extrêmement malléable durant l'adolescence. Il va construire sa sexualité et il va finalement se conditionner à ne jouir que dans des situations extrêmement extrêmes. On sait que la forme conditionne la matière. Donc à force de montrer les mêmes images sous tous les angles différents, de répéter le même message, et bah ça finit par rentrer malheureusement. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve de plus en plus de jeunes LGBT, non-binaires, trans, enfin, tout le bordel quoi. Mais du coup, c'est aussi, comment dire, on peut aussi avoir une espérance, parce que le jour où bon Dieu nous permet de prendre le pouvoir, à la place de toute cette merde, à la place de Cyril Hanouna, etc., on met en place des cours de catéchisme à la télévision, et en 20 ans, on a une génération catholique de nouveau qui émergera quoi. Enfin, c'est triste, mais ça montre à quel point l'homme est malléable, en fait. Moi, je ne suis pas certain, parce que c'est bien plus facile de tomber vers le mal que vers le bien. Parce que vers le mal, il suffit de faire rien. Alors que vers le bien, il faut faire un effort. Oui, bah, d'où le problème de l'éducation, oui. Oui, c'est un exemple. Il faut reprendre tout de manière globale, toute la société, etc. Ça, effectivement, on est d'accord que c'est toujours plus simple de se laisser aller que de faire des sacrifices. On revient un peu d'ailleurs sur le sujet du protestantisme. La voie est large et commode chez les protestants, alors que chez nous la voie elle est étroite, elle est pleine d'obstacles pour devenir un saint et mourir en état de grâce quoi. Bon, pour en revenir sinon un petit peu au satanisme, Satan, il singe Dieu, le satanisme, du coup, il singe le catholicisme. Et donc, je pense que tous les temples sataniques, les choses comme ça, en fait, leur but, c'est de singer l'Église. Or, on sait que bah, dans la religion catholique, il n'y a pas 10 000 statues. Hein. C'est soit tu es prêtre, soit tu es un homme marié, soit tu es un homme chaste. Ça s'arrête là. Donc, eux, forcément, ils vont aller à l'opposé de ça. Donc, le polyamour, comme ils disent maintenant, parce qu'on n'en avait pas encore parlé, mais en gros, c'est juste être un gros dégénéré, une prostituée, quoi. Le polyamour, le LGBT, etc. Au final, ils singent les catholiques et voilà, les hommes de Dieu, quoi. Bah, vous avez raison de mettre les pieds dans le plat avec tout ce qui est féminisme, pornographie, etc. J'allais ajouter que ça va aussi un petit peu avec tous ces effets MeToo, balance ton porc, etc. Parce que bah, j'en reviens un petit peu à la psychanalyse, la psychologie et tout ça, avec Freud et Jung et d'autres. Hein, les deux sont de la communauté, même s'ils ont des traitements différents, Jung est plus spiritualiste, disons. Mais voilà, à partir de cette période-là aussi, on a tendance à penser que le subconscient vaut vérité. Et ça part tout de suite bah, avec Freud, ses limites, l'adolescent a envie de tuer son père pour violer sa mère, enfin c'est... Il y a des trucs très spéciaux et violents et brutaux, quoi. Donc le subconscient vaut vérité, et donc tu es toujours coupable, il faut te balancer. Ça se jumelle un peu avec l'attitude des femmes où il y a un désir assez flou et assez inconstant. Donc elles sont, c'est jamais oui ou non, c'est peut-être. Et après, ça peut juste dégénérer à partir de ce moment-là. Alors que bon, quand il y a un souci juridique, je dis, il faut qu'il y ait un problème vraiment extérieur et constatable. Or là, même quelqu'un comme Norman, qu'on n'apprécie pas du tout ici, ne serait-ce que pour les sujets de fond, eh bien, lui se fait flinguer comme plein d'autres, parce que voilà, dès que il y a le jugement médiatique, le jugement Twitter, c'est fini. Voilà. Alors que dans la religion catholique, je veux dire, le subconscient, il n'a pas une très grande place dans le sens où, quand bien même on aurait une mauvaise pensée très passagère et que on n'en a pas pleine conscience, c'est limite même pas un péché véniel, ou alors tout juste véniel, quoi. C'est vraiment quelque chose, on est un peu fatigué, on est dans le vague, on pense à un truc, et une fois qu'on reprend nos esprits, on chasse cette mauvaise pensée. Donc il y a un acte de courage et finalement un péché d'éviter, quoi. Alors que là, voilà, le subconscient est coupable, il vaut vérité, attention. Qu'est-ce que vous avez pensé en regardant vaguement cette fille, en la balayant du regard? Et là, on finit sur MeToo. Bah, Norman, c'est ce qui, quand tu viens de le citer, justement, c'est un peu ce qui lui est arrivé, quoi. On va juger une personne en se basant, même pas sur des faits, sur des ressentis sentimentaux. Le type, il vit de YouTube. Alors, ok, je consomme pas des contenus de Norman, donc je vais pas dire que je loupe quelque chose, mais en tout cas, il était, alors pas banni de la plateforme, mais je crois que les annonces publicitaires ne sont plus autorisées, quelque chose comme ça. Je ne sais plus quel business est parti à cause de cette histoire de dénonciation d'harcèlement sexuel. Ce qui est certain, c'est que dans les faits, il ne peut plus vivre juste de YouTube, d'accord ? Ils ont retiré son business. Alors que, de quoi on parle ? On parle d'une nana qui était amoureuse de Norman, qui a lancé cette affaire, qui lui a écrit apparemment, je crois, une vingtaine de poèmes, je crois que c'est ça, d'accord. Donc elle était, elle avait un truc en tête, quoi. Bien sûr, Norman, il avait quelque part. Oui, alors attention, un scoop. Les hommes qui ont de l'influence, un peu d'argent, ont tendance un peu à avoir beaucoup de partenaires sexuels féminins. Tu parles d'un scoop, ok. Donc j'imagine que Norman, il a dû peut-être un peu utiliser son pouvoir. En tout cas, il n'a pas fait quelque chose, peut-être qu'il a fait quelque chose d'immoral, mais en tout cas, il n'a rien fait d'illégal. Il était avec cette nana, d'accord? Il s'est passé des trucs entre eux. Elle a cru que c'était l'homme de sa vie, ils allaient se marier, faire des enfants, tout ce que tu veux, machin, hein. Et le type, en fait, non, il n'était pas plus intéressé que ça. Hop! Petite affaire MeToo, harcèlement, pervers narcissique, manipulation. J'ai lu des... Apparemment, ils ont voulu mettre dans la déposition des flics, hein, comme quoi... Elle a eu un chamboulement émotionnel, je crois que c'est le terme qui était employé. Donc, maintenant, si on arrive à prouver des chamboulements émotionnels, je veux dire, on peut tout dire finalement dans un dépôt de procès-verbal, quoi. J'ai eu un chamboulement personnel, moi aussi d'ailleurs. Quand bah oui, la pauvre, elle a beaucoup souffert, quoi. Franchement, moi je la plains. Hein. Ouais, j'ai porté plainte contre Joe Biden. Je pensais que Donald Trump allait être réélu, puis en fait, non. Du coup, j'étais chamboulé, et voilà. voilà, quelque part, c'est de la manipulation. Joe Biden est un pervers narcissique. Et non, mais voilà, ça n'a pas de sens, ces trucs-là. Et mais on va prendre... Il y a un dossier avec des mineurs, en plus. Il n'y a pas d'autres dossiers avec des mineurs, non? Ouais, alors bizarrement, et je suis content que tu remontes là-dessus, Adoc, bizarrement, donc il y a eu plusieurs histoires de agression sexuelle, harcèlement sexuel et puis harcèlement moral. En gros, c'est ça le truc. Et alors, il a fait, je crois, 10 heures de garde à vue. Il est ressorti direct, d'accord? Donc, à mon avis, c'est peut-être pas si prouvé que ça. Hein. Je suis pas en train de défendre, man. Je sais pas ce qui s'est passé. Il se trouve, il a vraiment abusé, j'en sais rien, d'accord? Oui, puis il a 15 ans d'âge mental, j'ai envie de dire. Donc, il pourrait se défendre un peu dans une argumentation non binaire pour dire que, vu mon âge mental, voilà, c'est pas une mineure, ou du moins, on est mineurs tous les deux. Ouais, il se sent mineur. Il se sent hélicoptère d'attaque mineur. C'est possible. En tout cas, ils ont mis en avant la seule histoire où ils avaient des faits à ma connaissance. Hein. C'est cette nana qui est québécoise et qui sentait que c'était l'amour de sa vie et finalement, il s'est passé juste ce qui s'est passé et rien de plus. Et toutes les pintades de Twitter ont rebondi là-dessus pour dire que Normal était vraiment le dernier des salauds. Alors que finalement, je suis désolé. Mais... Alors que c'est le dernier des salauds, quoi. Non, mais voilà, mais je suis désolé, mais on peut avoir un jugement personnel sur ce qu'il a fait, j'entends bien. Mais en tout cas, d'un point de vue légal, d'accord, la nana en question était majeure, ok, c'est complètement légal, d'accord. C'est légal pour un homme d'aller coucher avec une femme majeure. On peut pas coucher ça sur un procès verbal et espérer qu'il y ait une suite judiciaire. Et ben, apparemment, depuis MeToo, c'est le début d'une procédure. Bon, je prends acte. Je sais plus c'est dans quel pays où maintenant avant un rapport conjugal il faut qu'il y ait un consentement écrit, sinon la bonne femme peut aller porter plainte pour viol ou quelque chose comme ça. Je sais que ça se fait déjà malheureusement, peut-être dans les pays du Nord où ils sont souvent en avance dans tous ces domaines-là. Je crois que c'est la Suède, hein, il me semble bien. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Je bien que c'est la Suède, ouais. Ouais. Alors messieurs, je vous propose d'enchaîner sur un autre sujet. On va écouter Roselyne Bachelot, donc ancienne ministre de... on sait plus quoi d'ailleurs, parce qu'elle est tellement inutile et mauvaise que... En fait, les gens, ils oublient à qui est ministre de quoi, parce que ces gens sont tellement interchangeables, ça n'a vraiment plus aucune importance. Hein. Si vous interrogez les Français actuellement, vous leur demandez c'est qui le ministre de l'économie, là, ils savent pas. Ils savent qui est Macron, d'accord. Darmanin, peut-être, ils arrivent un peu à le situer. Et puis le reste, ils arrivent à se souvenir des noms des ministres quand il y a des affaires politico-financières. Voilà. Cahuzac, voilà. Tout le monde se souvient de Cahuzac. Pas pour ce qu'il a fait en termes d'évasion fiscale, parce que je pense qu'il était assez mal placé, mais on se souvient de lui. Sinon, la démocratie fait qu'on ne sait pas qui dirige quoi. Parfois, quand ils sont particulièrement nuisibles, ils nous marquent quand même. On se souvient de l'affaire des vaccins de la grippe H1N1. Il me semble qu'elle a été plus ou moins à la culture ou à Jeunesse et Sport aussi. Ouais. Je me souviens de Manuel Valls. Oui, Manuel Valls aussi, on s'en souvient, parce qu'il était insupportable et hystérique. Enfin bon, la Bachelot, là... On va l'écouter tout de suite. Alors, elle le dit à demi-mot, mais quand vous connaissez un peu l'actualité politique et la vie politique, vous savez lire entre les lignes. Elle est en train de nous annoncer que finalement, on va détruire des églises en France de plus en plus. Je vous propose de l'écouter. Donc, il va falloir choisir. Et arrêter de sauver des petites églises sans intérêt, écrivez-vous. Bah, c'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses. Il y a des églises qui ont une forte connotation affective, parce que. On s'est marié dedans, on a baptisé les enfants, on a enterré son grand-père ou son père. Mais il y a un patrimoine cultuel du 19e siècle qui n'a pas un grand intérêt. Il faudra se résoudre à les voir raser. C'est ce que vous expliquez. Ou alors, il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent par la main et décident, bah, cette église, on va la sauver. Mais on ne pourra pas demander à l'État. L'État, il va falloir, ou les collectivités publiques, il va falloir qu'ils se recentrent sur un patrimoine notoire. Bon, alors, elle ne dit pas très clairement qu'elle va prendre un bulldozer et qu'elle va défoncer à elle seule les églises qui, apparemment, elle a attristé, apparemment, et les églises qui continuent à survivre. Elle n'aime pas trop ça. Mais en tout cas, elle a une solution. Bah, la solution, c'est on va laisser mourir tout ça ou on va les détruire. Si je me mets à un niveau profane, pour habiter dans des villages, en général, les lieux où il y a des belles choses, c'est les églises. Dans tous les villages, même les plus petits villages de France, il y a une église en général avec des belles choses à l'intérieur. Alors même si elles jugent que certaines n'ont pas d'intérêt patrimonial, c'est en général ce qu'il y a quand même toujours de mieux. Et quand un bobo ou un baba est en vacances dans un coin de la France, la première chose qu'il va visiter, que ce soit dans une grande ville, dans le centre, ou dans une campagne reculée, c'est en général les édifices religieux. C'est en général ce qui a été fait dans les époques qui les testent. Même quand vous allez au fond des bois, pour fuir un peu la laideur des villes modernes, vous allez dans un ancien ermitage en haut d'une montagne, sur qui vous tombez ? Sur une bande de boomers en tenue fluo, en parka décathlon. Je comprends pas la schizophrénie de ces gens-là, qui ont tout fait pour détruire le monde d'avant, mais qui en réalité sont incapables de nier que tout ce qui se faisait avant, spécialement en plus en ère chrétienne, était plus beau. Ce qui ne croit pas un seul instant à ce qu'il raconte lorsqu'il parle des bienfaits, de la beauté de l'art contemporain. Alors ça, ils adorent nous parler de ces trucs-là, oui, effectivement. Lorsqu'ils se rendent à Paris, ils vont se présenter devant la Sainte-Chapelle. Ils ne vont pas aller voir les dernières créations de je ne sais qui. Non, mais ça, c'est un non-sens. Voilà, donc au niveau des élus, on préfère financer les ateliers de slam ou les associations de tam-tam. En termes d'urbanisme, on met en avant des éco-quartiers avec des trucs qui n'ont pas de forme, où les seuls trucs essentiels, c'est des sortes de principes abstraits de mixité sociale, mais on abandonne complètement le beau. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas de pognon pour sauver les seules choses qui sont honnêtement reconnues comme belles. Ah, tu citais Bobby South Park, qui à force de caricaturer en fait ressemble, est dépassé par la réalité limite. C'est même pas ressemble à la réalité, mais est dépassé. Et sur l'art contemporain, tu as Les Inconnus qui avaient fait un petit sketch dans la même veine, où voilà, c'est le type, il présente un truc, il a laissé les pigeons chier sur une toile, il commence à te présenter le truc, il donne un prix, il met le prix sur la toile elle-même. Et en même temps qu'il te parle, qu'il te présente son concept, machin, il rajoute un zéro, tu vois, un zéro final au prix. Pour son troisième opéra, le gouvernement, en accord avec la ville de Paris, a fait appel au génie de l'artiste Juan Romano Chocalescu. Mais qui êtes-vous au juste, monsieur Romano Chocalescu ? Mon père était roumain et ma mère était d'origine argentine. C'est pourquoi je suis venu en France pour fuir à la fois les régimes totalitaires de la Roumanie et de l'Argentine. Et puis, financièrement, M. Mitterrand, il a été très gentil, puisque j'ai bénéficié à la fois du statut réfugié roumain et statut réfugié argentin. Tout à fait. Double statut. Double statut, tout à fait. C'est intéressant. Donc voilà, on est un petit peu dans ce truc-là, surtout avec Bachelot, ministre de la Culture, quand même, par excellence. Et en même temps, c'est une provoque, elle pointe du doigt une réalité qui est que les églises sont peu fréquentées, surtout en fin fond de province, et qu'en plus, les derniers qui entretiennent un peu vont être souvent des boomers qui sont amenés à ne plus être là dans une quinzaine d'années. Donc, de fait, elles seront abandonnées, et l'État devra donc dépenser pour restaurer des choses qui ne sont même plus fréquentées. Et là se pose la question, en fait, de... Bon, eux, c'est évident qu'ils sont hostiles à notre héritage, à ce que nous sommes, à notre civilisation, au christianisme. Donc, ils font leur travail. Mais il faut également que la population sorte de cette complicité, en fait. C'est comme si, dans les corps intermédiaires, ils ressemblaient à leurs gouvernants. C'est la même chose. Il va falloir que les gens repratiquent la foi. Mais là, le problème, c'est qu'au fin fond de la campagne, bah, tu as Vatican II aussi. Hein. Le problème de Vatican II, en plus, c'est qu'il vient avec le package total. C'est-à-dire qu'il y a le Vatican II avec toutes les erreurs dedans. Et le package, on ne peut pas l'enlever, hein, ça vient avec, c'est qu'à la fin, les gens ne croient plus, d'accord ? Les gens ne croient plus, ça ne veut plus rien dire, vu que tout est égal à tout, d'accord ? On peut être musulman, bouddhiste, chrétien, on va tous au paradis, voilà, c'est plus ou moins ce qu'ils disent. Bon, on n'a plus besoin de se rendre dans les églises, pourquoi se rendre dans les églises ? Hop, voilà. Donc ils ont voulu Vatican II, ça ils l'ont voulu, hein. Vatican II ils l'ont voulu, et bah, ce qui va avec Vatican II, c'est bah, les gens qui désertent les églises. Voilà. En tout cas, nous, chez les tradis, on a beaucoup moins ce problème. Déjà parce que la pyramide des âges nous donne raison et que nous, la foi, elle n'est pas juste sur un bout de papier, on la pratique. Et on se demande pourquoi la République a confisqué les biens de l'Église, si c'est pour les laisser pourrir et même vouloir les détruire. La solution serait peut-être de les rétrocéder aux tradis. Oui, alors je crois qu'à chaque fois qu'il y a des opérations de ce genre, le clergé moderniste essaie de s'y opposer. Hein. On ne peut rien donner au tradit. Vous savez, les modernos, c'est des gens qui sont très coulants. Ils n'arrêtent pas de dire l'amour, l'amour, la tolérance. Donc, toujours des mots très... d'attitude très doucereuse. Quand vous entendez un moderno avoir des paroles dures, vous pouvez être certain qu'il parle des tradis. C'est les seuls oui, nous irons qui tous méritent au paradis, sauf Adolf Hitler et Monseigneur Lefebvre. C'est un classique. Voilà. Vous pouvez être certain. Sinon, ils sont ouverts à tout. Il n'y a pas de problème. Hein. Toutes les hérésies, toutes les bêtises, ils les prennent. Mais alors. En fait, à partir du moment où tu ne tolères pas certaines choses, bon, eux, ils ne tolèrent pas ceux qui ne tolèrent pas. Ils vont te poser cet argument débile, un peu 68 art, quoi. Il est interdit d'interdire, donc c'est une interdiction. Voilà, bon, et ben, on retourne sur South Park, le musée de l'intolérance. Très bon épisode qui m'a fait mourir de rire à l'époque. Soyez les bienvenus au musée de la tolérance. Ici, vous pourrez prendre conscience de la dynamique du racisme et des préjugés dans notre pays. Saviez-vous que certains mots peuvent être une preuve d'intolérance? Je vous propose de commencer la visite par le tunnel des préjugés pour que vous sachiez ce que l'on ressent lorsqu'on est discriminé. Billy! Métac! Gentoc! Négro! Youpa! Tarlouse! Bouzeux! Niaoué! Putain, ce tunnel, il trouve le cul! Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je vais y retourner, je vais y retourner! Regardez, un juif plein de thunes! Excellent, jeune homme. L'idée que les juifs ne s'intéressent qu'à l'argent, à la vie dure, hélas. Ah, bien vu celui-là, c'est le stéréotype du Mexicain feignant. Quoi, qu'est-ce que c'est pas ça? Oui, je me suis endormi. Oh, pardon, je vous avais pris pour une statue. Non, je suis le technicien de surface, j'ai dû nettoyer, mais je suis crevé. Oh, ce que j'ai sommeil! Je pense au final qu'on peut jouer un rôle concret concernant nos chapelles, dans nos petits villages. Je pense que c'est même une bonne chose, en fait. Que ce soit pas les modernistes qui gèrent l'église parce que ça serait une cata. Voilà, moi je vois dans mon petit village, c'est une association avec le maire, etc. Et on s'en occupe. Et là, je pense que c'est à nous, à la jeunesse, de prendre le relais parce que, comme vous dites, c'est les boomers qui vont bientôt mourir, et heureusement d'ailleurs, qui s'en occupent. Et bien, où sont les jeunes pour prendre le relais? Donc, je croyais que tu allais dire heureusement qu'ils vont bientôt mourir. Ouais, c'est ce que je dis. Oui. D'accord. C'est bien ce que je dis. Ah bah, ça sera pas coupé. Bref, en espérant qu'il meure en état de grâce. Même... Bon Dieu et miséricordieux. Donc je pense que là, on a un rôle à jouer mais concret. Vite. Ouais. Je pense qu'on a un rôle à jouer concret pour récupérer nos chapelles. Et qu'en fait, ça serait beaucoup plus dur si les modernistes avaient les clés de ces chapelles. Parce qu'on sait que leur opposant, comment dire, leur ennemi numéro un, effectivement, c'est nous. C'est liberté pour tout le monde sauf pour nous. Au final, c'est peut-être pas plus mal cette loi néfaste, hein, de la séparation de l'Église et de l'État, ça va peut-être se retourner contre eux finalement. Mais encore faut-il faire l'effort de s'impliquer dans la vie de village et dans la vie de l'association. Généralement, c'est tout ce qui est association liée au patrimoine. Bon, eux vont dire le matrimoine peut-être. Et comme disait Adoc, dans un village, qu'est-ce qu'il y a de beau? Et ben, c'est son église, c'est son calvaire. En fait, c'est son patrimoine religieux, quoi. Que le veuillent ou non les boomers. Donc, il faut leur confisquer ça, il faut leur prendre les clés, sachant que quand on a les clés de la chapelle, on peut organiser nos messes, donc la vraie messe de toujours. Et c'est nous qui gérons ça, sans avoir à demander à l'évêque, donc là je fais des grosses guillemets, hein, moderniste du coin, qui de toute façon, on n'a rien à foutre, quoi, hein, donc ça ne sert à rien de lui demander. C'est même plus le matrimoine, hein, attention, l'ami, c'est transmoine, travelomoine. Ouais, excuse-moi, j'étais que à Vatican 2, pas à Vatican 3 ou 4. En tout cas, comme l'avait dit Adoc, cette histoire de pognon, c'est une excuse, mais bidon, je sais pas qui est-ce qui croit à ces absurdités. L'État, il a du pognon. Hein. Déjà, il a le vôtre, ça pour commencer. Pour dépenser du pognon, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a toutes les assos de gauche, de droite, surtout de gauche hein, d'ailleurs, pour accueillir les migrants, les LGBT+, tous les Africains là, qui débarquent comme ça. Bonjour, parlez pas français. Tenez, on vous fait un chèque. C'est pas grave, tenez, prenez de l'argent. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un truc qui est marqué parce que c'était quand même assez tordant. À Chanteloup-les-Vignes, il y avait un cirque qui avait été construit pour nos fameux métèques. Parce qu'on leur construit des cirques, hein, ces gens-là, hein, d'accord. Ils ont besoin de cirque pour s'épanouir. Donc le cirque, ils l'ont mis en plein milieu d'une sorte de jungle urbaine. J'aime bien le terme jungle pour désigner cet endroit précis. Ils l'ont brûlé. Ils ont brûlé le cirque. Et le lendemain... Ouais, mais il faut les comprendre, les pauvres, ils avaient froid aussi, tu vois. C'est ça, mais bien sûr, vous avez froid. Le lendemain, le maire de la ville, il a fait « Ah, attendez, quand même, un cirque, on parle quand même de 2 millions d'euros, eh ben, qu'à cela ne tienne, on va le reconstruire !» 2 millions d'euros, paf, on les donne comme ça, gratos. C'est quoi la formule de François Hollande ? C'est gratuit, c'est l'État qui paye, c'est ça ? Il y a des collectifs qui ne veulent pas se lancer de peur d'avoir à pérenniser ces emplois. Et parce que, pardonnez-moi, pour remettre parce que les collectivités locales ont certaines difficultés financières aussi. Et parce que ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Donc en l'occurrence, ça coûte une partie. 3 milliards d'euros pour 150 000 emplois d'avenir. Mais c'est l'État qui paye. Les collectivités... L'État, ce sont les contribuables de Marseille, pas, par exemple. Ce n'est pas la collectivité marseillaise ou le département ou la région. Après, pour ce qui est de la restauration locale, donc d'aider à pointer du doigt une très bonne chose, c'est vrai qu'il va falloir reprendre ce destin en main. Localement, c'est possible dès maintenant, en fait, quand on se trouve en province, tant que le maire local comprend ces choses-là. Mais c'est vrai que si on veut le faire à échelle nationale, bah c'est évident qu'il y a même besoin d'une restauration d'État et tout ça, parce que tant qu'il dépensera des milliards pour financer des bouses énormes au Palais Royal, en place publique ou je ne sais où, voilà, on sera confronté à ce problème-là, sauf dans des échelons intermédiaires un peu plus inférieurs pour ce qui est de tout de suite. Quoi. À un niveau opérationnel, on peut en plus compter sur les cordes sentimentales des locaux qui sont quand même attachés à leurs églises, parce qu'ils ont une, bah comme le dit l'ex-ministre, il y a des passages de vie entre les baptêmes, les enterrements, les mariages que les gens ont vécu. Puis dans les campagnes, il y a encore beaucoup de gens qui sont du cru. C'est important de maintenir ces marqueurs, c'est des témoignages quand même de ce qu'a été le pays avant. C'est des éléments verticaux dans les villages qu'on voit de loin. Et aujourd'hui, la France, certains disent qu'elle va mourir, mais elle peut aussi se maintenir, sauf que ça sera plus la même chose. C'est-à-dire, on garde le même bocal avec la même étiquette, mais on change tout ce qu'il y a dedans. Avec les Coupes du Monde, on voit là, maintenant que le drapeau français, bon, il est discutable, hein, les couleurs bleu, blanc, rouge, ça fait déjà débat à la droite nationale ou chez les catholiques, mais on voit des immigrés africains qui le portent fièrement, parce que maintenant ça devient leur pays, ça devient leur drapeau, leur emblème. En revanche, un clocher, ben, c'est un clocher, on ne peut pas mettre n'importe quoi derrière. En tout cas, c'est mieux de laisser aux locaux peut-être le soin de rénover ou d'entretenir ces édifices religieux, parce que si vous confiez ça à l'État, écoutez, je vais vous lire un petit passage, pas piqué des hannetons, du bouquin de la mère Bachelot. Alors, le bouquin de la mère Bachelot, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je pense que tout le monde s'en fout, hein. C'est des délires de bourgeois qui sont couchés sur papier, ça intéresse absolument personne. C'est des bouquins qui sont vendus généralement à 200-300 exemplaires maximum, d'accord, c'est juste pour faire de la com. Mais il y a peut-être un passage intéressant, un peu rigolo. Je vous lis tel quel, hein, pas de censure, d'accord ? Vous ferez une idée. Donc, Rosine Bachelot qui écrit. Je n'oublie pas la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine où j'affirme dès le 9 juillet que la flèche de Notre-Dame doit être construite à l'identique pour respecter la Convention de Venise. D'accord. Quand je rentre rue de Valois, le cabinet est en stress. L'Élysée rêve d'un geste architectural et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Je ne regrette pas que cette insubordination, quand... Déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montra un projet culminant avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules en or, 3 petits points. Donc, Notre-Dame a été détruite, d'ailleurs dans des circonstances qu'on... Apparemment, c'est pas autorisé d'avoir un débat là-dessus. Très curieux. Ça me rappelle d'autres affaires où, lorsque le débat est pas autorisé, je trouve ça un peu louche, mais bon... Notre-Dame est détruite et à la reconstruction, ils veulent absolument nous mettre un projet culminant avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules en or. Bon, au moins le débat est posé. Hein. Alors ça vient de Brigitte Macron, mais comme je sais que son mari fait des fiestas un peu particulières à l'Élysée avec des travelots noirs qui dansent sur de la musique techno et qui se frottent les uns aux autres. Méfiance. On peut constater effectivement que la République aime salir tous nos symboles historiques, donc chrétiens pour le coup, en mettant un de leurs symboles Donc un phallus érigé, voilà. En même temps, ça représente vraiment l'idée que je me fais de la République, quoi. C'est vraiment la vulgarité, l'homosexualisme débridé, et surtout aux yeux, aux vues et aux yeux de tout le monde, et notamment des enfants, quoi. C'est pour eux, c'est important que tout le monde puisse le voir. Donc là, moi, je pense surtout aux gamins, quoi. Ça me désole. Puisque c'est open bar, apparemment, c'est open bar. Bah, moi, je lance une idée. Si un jour la grande synagogue de Paris prend feu. Voilà, c'est possible, hein. Un malheur est vite arrivé. Hein. Je serais très très triste si ce genre d'événement devrait arriver, bien sûr. Écoutez, bah, confiez-moi les plans de reconstruction, d'accord? Je vais vous trouver des trucs, vous allez voir, on va se souvenir de la grande synagogue de Paris. Vu qu'apparemment, on peut mettre des pénis à la place de Notre-Dame, moi j'ai des idées en réserve, faites-moi confiance. Très bien, l'émission est maintenant terminée, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous rappelle que nous sommes présents sur Gab, si vous tapez Oremus officiel, tout attaché, vous nous trouverez sur Gab. Et nous sommes aussi relayés parfois un peu à droite à gauche sur YouTube, sur Telegram avec Oremus officiel, sur Odyssée, archive.org. Je ne vais pas te faire toute la liste, mais en tout cas, ce que je peux dire pour clore cette émission, au-delà des remerciements de nous avoir écoutés, c'est aussi qu'on va compter encore énormément sur vous pour la suite des prochaines émissions. C'est-à-dire qu'on a eu un bon retour pour la première, on vous en remercie. Je pense que la seconde était sympathique aussi, vous nous direz, n'hésitez surtout pas. En termes d'audience, vu qu'on débute, d'accord, ça fait que 2 émissions, on est obligé de se reposer énormément sur les auditeurs pour faire de la promo, voilà. Donc je sais que personne n'aime faire de la promo, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à faire un petit geste, ça nous rendrait énormément service. Vous en parlez à vos amis, des gens qui pensent un peu comme nous, vous en parlez autour de vous, à des gens qui peuvent un peu influencer le milieu, vous connaissez. Si vous avez besoin de prendre des précautions, les prenez. Mais en tout cas, tout va reposer sur les auditeurs, sur votre dynamisme. Partagez à fond, à fond, à fond, partout où vous pouvez. Et moi, je vous dis au mois prochain. Salut à tous, salut à la victoire, vive Jésus, vive sa croix. À bientôt. Salutations socialistes nationales. Ladies and gentlemen, we're floating in space. Getting strong.